Bon, ça c'est live, ça c'est cool, ça c'est... C'est quoi, le chat il a décidé de faire du parcours? Ou... Oh, il a comme manqué sa chef. Il a fait un wall ride 360. Un wall ride 360 ou un barrel roll en même temps. Alright, fait que bon mes guys, on drop ça à TV puis on commence ça? Oui. Ouais, ben let's go. Fait que 5, 4, 3, 2, 1, drop the TV. Right. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, le podcast. Mon nom est André Paquette, accompagné ce soir de Jonathan Milter. Yes, hello. Ça va, Joe? Ça va? Ça va, hein? Oui. Ça fait un crisse de bout qu'on a pas fait ça, oui, me semble. Oui, oui, hey, j'étais jeune. Je me souviens, t'avais même pas de barbe la dernière fois qu'on a podcasté. C'est hey boy. Vrai, hein? La dernière fois que j'ai releasé un épisode, je pense que je restais en antique. Antique, tabarnak. Accompagné également de Max... Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, puis toi? Ça va top shape, aussi bien que là, dans 5 secondes. Là. Parfait. Mais, guys, on fait un podcast à ce soir. Oui. Puis merci, Max, d'être là. Ben, ça fait plaisir. Toujours un plaisir d'être avec vous autres. Ben, toujours un plaisir de t'avoir avec nous autres aussi. Là, il y a du monde qui disent, on a la limite qui dit, et où le reste de la team? Ben, le reste de la team avait des obligations de vie. Des absences de dernière minute. Exactement. Puis vous allez voir, un moment donné, au fil du temps avec le podcast, on va varier le roster une fois de temps en temps, dans le but d'arrêter de skipper des recs et de commencer à faire nos enregistrements pareil. Oui. ça va nous aider un petit peu. Fait que là, tu sais, moi, avec l'école que j'ai recommencé, avec la job de tout le monde, les enfants pour certains, Je n'ai toujours 4. Toujours 4? Oui, oui. Je n'ai pas perdu. Tu n'as pas perdu, c'est bon. Je n'ai 3. Ouais. Terrible incident de moissonneuse-batteuse. Ouch. J'ai pas de moissonneuse-batteuse. God forbid, touche à ta mambo, tout le monde. Fait que, guys, ce soir, un petit show bien relax. On va faire des sujets d'actualité. Toute la gang ensemble, on va en discuter, toute la gang. Si vous avez le goût d'interagir avec nous, ben sur Twitch, il y a le chat. Sur Facebook aussi, il y a le chat. Puis il y a le Discord. Vous pouvez faire point d'exclamation Discord dans Twitch pour pouvoir venir nous rejoindre. Fait que, Joe? Hey! T'as parlé de podcast qu'on fait à soir? Ouais. Aujourd'hui, j'ai vu le terme vodcast. C'est quoi? C'est comme un vidéo podcast? C'est ce que je sais pas. Sais-tu qu'est-ce qu'on fait actuellement en live? Mais je le sais pas. Le stream, c'est un vodcast? C'est ce que je me demandais si vous étiez au courant. T'sais, vous êtes plus deep là-dedans que moi, là. Mais j'avais aucune idée. Fait que j'étais comme, peut-être qu'on fait du vodcasting à cette heure en plus, puis on le sait même pas. Du vodcast? Ben, en réalité, ouais, mais. T'as peur, là. Moi, on a-tu commencé à faire ça avant que ce soit cool? Peut-être. Avant même qu'il y ait un terme, peut-être. Fait que la description d'un vodcast selon... vodcast bring the Twitch community experience to uploads. What is vodcasting? OK. Sur DW.com, ça date de 2006. After podcasting, which lets users subscribe to audio files, comes vodcasting, the easiest way to bring internet video to your desktop. Climax, ça c'était avant YouTube. dans l'obscur monde. Dans le fond, c'est 2006. Un hipster qui a ressorti le terme en 2017 et qui a dit ah, moi je fais des podcasts, mais. En s'achetant 3-4 vinyles, là, tu sais. Ouais. Oh, je m'achète un vinyle de Led Zeppelin, First Print. Mais c'est ouais. Peut-être ça. Fait qu'un vodcasting, apparemment, c'est comme un podcast, mais avec du vidéo. Fait que c'est du vidéo on demand. Chris, me semble que c'est un concept qui existe déjà. Me semble que c'est là depuis la nuit des temps. Ben, Chris, c'est un nasty de bout, ça existe. On peut dire qu'on fait ça. On fait ça depuis l'épisode 1. Ouais, mais on peut dire ça serait. Si on a de l'air plus hot, plus hipster. Nous autres, on faisait ça avant que ça soit cool. On faisait ça dans le temps que ça s'appelait du podcasting. On podcastait-tu en 2006? Non, hein? Non, vraiment. 11 pas. Ans, là. Mais peut-être les mystérieux, par exemple, ça, ont été des pionniers du. Oui, on bête de la misère à soir, le vodcast. C'est pas du vodcast. Du vodcast. Mais non, ça, c'est. Je viens juste de penser à ça de même, là. Ça n'avait pas vraiment rapport avec mes actualités. Ben, tu sais, le pire, c'est que je Google vodcast, puis il rassassie ça à Twitch. Fait que, tu sais, c'est comme full circle, internet. Carrément. Hipster jerk, là. J'assiste à votre premier vodcast, j'en ai pas. Ouais, mais... ouais, ben on vient de déclarer que c'est le premier vodcast. Fait que, non, mais je veux mettre les vidéos live à un moment donné, mais tu sais, j'ai comme le dilemme, est-ce que le produit audio est notre produit principal? Est-ce que le produit vidéo? Puis finalement, je me rends compte que quand on fait le live, c'est comme la manière la plus rapide de nous écouter, on peut, parce que ça me prend 6 mois les édits. On peut faire les deux, ouais. Continuer comme on fait là, dans le sens de donner l'importance aux deux, puis... Pardonner de l'importance aux deux, tu veux dire faire le live, puis 6 mois après, je sors l'épisode. Non, mais tu donnes peu importe la comment dire ça, la, toutes les possibilités de branches d'écoute. Ben, c'est ça. Tu sais, le contenu est disponible. Puis, tu sais, d'un autre côté, nos lives, c'est comme les raves dans les années 90, t'sais. Tu sais pas avant la dernière minute. Puis là, tu rentres d'une warehouse louche. Puis, tu croises des gars avec du VIX puis des gants de crin. Mais ils sont cool, pareil. Le monde des raves sont pas mal cool. Ouais. Ils sont soit pass out sur un sofa. Si vous faites ça, Pornhub va prendre beaucoup de clients. Va perdre beaucoup de clients. Ouais, ils vont venir sur notre podcast. Ça pourrait être popé. Comment je me sens à propos c'est de ça. C'est une compagnie montréalaise, en plus. Ouais, ben, Pornhub, c'est une compagnie montréalaise. Mm. The more you know. Oh, man! Soupe, de vrai, je sais pas. Faut tellement que je rajoute une scène dans le X-Split qui est The more you know. Avec le avec vidéo, l'étoile et les lettres qui apparaissent. De NBC dans le temps. Là. Fait quand on drop du knowledge, on va sur The more you know. What's up, Ghislain, live sur Facebook présentement. Fait que c'est ça, aujourd'hui, petit warm-up, on revient dans le monde du podcast. Oh, tabarnak. Fait que qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres, c'est en set, les boys? Mais moi, j'ai fait des petites, comment dire ça, du géo-scouting en m'en venant ici. Du géo-scouting? Je sais même pas si ça, j'ai peut-être inventé un terme présentement, mais je me promenais, tu sais, je m'en venais chez vous, puis là, je me dis, ben, je vais regarder, c'est quoi que ça a l'air, le quartier André, tu sais, en m'en venant, puis tout. Puis, il y a deux affaires qui m'ont frappé. Il y a un restaurant qui s'appelle le restaurant BJ. Fait que je trouvais ça juste cool puis louche en même temps, tu sais. Le restaurant BJ, moi, c'est la première affaire que j'ai spoté en déménageant, tu sais. Je roulais, puis j'étais comme, hey, je m'en viens, wow! C'est ça, je mangerai peut-être pas là. Ou peut-être que oui, on sait pas, ça dépend. La serveuse est très généreuse au restaurant BJ. Ouais. Tu demandes de se laver les mains, par exemple, avant de faire les sides sont bien garnis au restaurant BJ. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de jokes qu'on peut faire avec ça. Puis, t'as-tu remarqué, j'ai pas eu le temps de lire le nom. Tu sais, il y a un petit bar avec un toit rouge. Ah, le chalet. Le chalet. Oui, qui font du karaoké les jeudis. Oui, mais le vendredi, t'as-tu remarqué c'est quoi? Non. Steve. Steve. L'attraction, c'est karaoké le jeudi. C'est marqué jeudi, karaoké, vendredi. Steve. C'est qui Steve? Je sais pas, mais il doit être en train de faire quoi? Ça doit être genre le Mario Benjamin. Moi, juste rentrer, m'a faire. Steve, es-tu là? Steve! Ouais! Tu prends un selfie avec Steve, tu je te colle sur la page puis je m'en vais. Mais je trouvais ça, j'étais là, Chris, il doit être connu dans le coin. Là, c'est le gars du hood, là. Steve, c'est la légende de Sainte-Marc. Le chansonnier interprète du quartier. Puis, ben, tu sais, ça, c'est ce que j'ai remarqué là, ben vite, dans le coin. Je risque d'en remarquer des affaires les prochaines fois que je passe. Là. Il y a une affaire qui avait de l'air d'un hôtel louche, mais finalement, c'est un restaurant familial. Mais je sais pas le nom. Mystique. Oui, le Mystique. Le fameux Mystique. Hey, l'autre fois, je suis dans mon salon. Oui, il est là, mon sel, il pop, puis il fait comme, êtes-vous au Mystique? Non. Non. ça me tentait pas que quelqu'un arrive chez nous un moment donné, puis... À te prendre trois pleins de patates. Il pense que pas bonne place, c'est grave. Mais non, mais j'aime la communauté locale commerciale de chez vous. Ils ont de l'originalité d'un nom et tout. Fait que je vais noter plus les prochaines fois, je pense. Ça sent l'entrepreneuriat dans le coin. Pis les décisions douteuses aussi, là, mais. Parlant de décisions douteuses, je me souviens plus dans quel coin. C'est-tu la Valtrie ou bien plus loin, c'est que ma soeur habitait. Il y avait un restaurant qui s'appelle le Mario Bros. Pis c'est vraiment alors copyright infringement as fuck. Des affaires de Mario, des Koopas, tout ça. Pis t'as le genre de Mario Burger, t'as le Koopa Spag, des astuces d'affaires du genre. Personne de Nintendo qui va aller là, fait que j'ai un PR de Nintendo passe là, c'est fini ce restaurant-là. Fait que dans le fond, le chèque est dans le mal, eux autres. C'est comme à chaque côté, là, dans leur budget commercial, ils font comme. Poursuite. Et ça, c'est pour payer le magasin, pis ça, c'est en cas de poursuite de copyright infringement. Mais tu sais, c'est. Non, mais. Ça, c'est comme la chaîne de Pound Shop Banco, je pense, là. Ils ont tous des Mario Bros pis des Sonic dans les fenêtres, là. Pis t'es juste comme, Ouais, écoute, déjà que c'est pas une business qui semble louche pantoute. Non. Je suis sûr qu'ils ont payé pour utiliser ces propriétés intellectuelles. Il y a un plombier à côté de chez nous, pas trop loin, qui est sur sa vanne de business. Là, pis tout. Ouais. Il y a un gros Tweety Bird puis un Tasmanian Devil. Un, je vois pas le lien. Deux, copyright infringement as fuck. C'est sûr quoi, qu'en en matière de plombier, moi je me réfère à quel personnage de Bugs Bunny il y a sur son truck. Tasmanian Devil puis Tweety Bird. En partant, c'est pas les deux premiers que j'aurais pris comme plombier dans la gang. Surtout que Tweety, il est pas avec le chat d'habitude au lieu d'être avec le chat. Puis qu'est-ce qu'il y a rapport à plomberie des Looney Tunes déjà? Rien. Absolument rien. Puis la vanne est brune, la même brune que le Tasmanian Devil, fait que c'est comme pas beau. Puis en tout cas... Choice were made. C'est comme les tattoos, là. Tu sais, le monde, tu fais que « Oh, toi, t'avais 14 ans en 70 hein, c'est pour avoir un Tweety Bird. » Parce que on parle de business louche avec de l'entrepreneuriat louche, là, mais tu sais, back in the days, quand j'avais essayé de partir la business avec FM, là, puis on avait des business qui venaient nous voir puis qui voulaient rehausser leur image. Puis, puis des fois, tu sais, t'es comme « Ouais, hein? » Chris, un gros Tweety Bird, c'est ta vanne, tu vas voir, tu vas doubler tes mains. Non, mais tu sais, c'est comme « Bon, mais on part de quoi? » Ben moi, écoute, j'ai une business d'élagage d'arbres, puis mon logo, c'est un chat qui encule un Chrysler. Bon, OK. Mais le Chrysler, il est vraiment important pour moi, tu sais, c'est parce que mon père est mort quand j'étais jeune. Tabarnak! Pourquoi que le chat l'encule? T'es comme... C'est ça, t'es comme, il n'y a aucun lien, mais écoute, tu sais, plus tu t'éloignes de la ville, plus que les compagnies deviennent intéressantes, mais d'un autre côté, plus que t'es en ville, plus ça a tendance à épurer. Le genre, tu sais, je me promenais, c'était où? J'étais sur Beaver Hall un matin, en sortant d'un bureau pour un meeting, puis... Tu sais, c'est comme tu te promènes, puis le café Jerry. Puis là, après ça, c'est Jerry. Il a enlevé le mot café. L'autre bord, c'est Victor. Puis, je suis sûr qu'il y a une place à Montréal, ça s'appelle manger. Ouais, genre M-A-N-G-R, là, genre le verbe, l'action de. Puis je suis sûr que le monde sont comme. Mais jeudi passé, j'étais chez manger. J'étais. Ah oui, ou bien manger en phonétiquement parlant. Calique. Mais... C'est beau le Québec. Chris, il faudrait breveter ça, là, parce que je sens qu'il y a du monde qui vont. Partie des business. Il y a un gars de ma Facebook chez eux. Hey, Chris, arrêtez pas les gars, man. Donnez-moi des idées. Oh, aïe, aïe. Okay, parlant d'idées douteuses aussi, je peux faire un segue vers un de mes autres mini-sujets. Je vais transférer à mes photos parce que c'est très important le visuel pour cette partie dans le podcast et non le vodcast. Oui. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste pour moi. C'est un reminder. Écoutez-vous la radio des fois? Ben, ouais. Le matin, le choix, par obligation. Ben, dans le char, là, tu travailles sur la route, fait que t'as soit une playlist Spotify ou la radio. Sûr que sans le vouloir, nécessairement, peut-être en le voulant aussi, vous avez entendu la dernière et nouvelle tune de Calvin Harris featuring Pharrell Williams, Big Sean et Katy Perry. Puis je le dis comme faux parce qu'il y a bien du monde qui dit ah, la nouvelle tune à Katy Perry, elle dit quatre phrases dedans. C'est pas sa toune. OK, seulement... fait qu'il y en a une de plus que ses autres tounes, dans le fond. Ouais, mais... ses tounes, elle en chante trois sur repeat. Là, on en dit juste quatre. Puis le reste du temps, c'est des gars qui rappent. C'est la toune à Calvin Harris qu'on n'entend jamais parce qu'il chante pas. Non, mais Calvin Harris, c'est pas un DJ. Ben, c'est ça. OK, c'est ça. Mais tout ça pour dire que... Ce que je trouvais drôle, c'est que le monde associe ça à Katy Perry. Et Katy Perry... qui est aimé par plusieurs personnes en général et plusieurs jeunes personnes, je dirais. Et plus précisément, plusieurs jeunes personnes avec des bodures en dessous de leur lit. Des enfants, là, si on peut dire. Là, puis des enfants même. Les plus vieux aussi. Les plus vieux aussi l'aiment pour plein d'autres raisons. Mais je sais pas si vous avez écouté la toune à radio puis son refrain. Il y a un bout qui est comme censuré. OK, mais attends un peu. Il censure le bout de la tonne. C'est quoi? C'est un beep, là? Je vais te le dire. Tu sais, elle chante. Tu sais, ça dit « Don't be afraid to catch feels. » Ah oui, c'est cette tonne-là, ça? « Right drop top and chase thrills. » Puis là, « I know you ain't afraid to... » Puis là, il y a un... Un vide. Moi, je pensais que c'était moi, l'intégrité artistique de genre... Ben, j'ai pas besoin de le dire, mais je vois. La tonne est censurée. Ah, mais c'est quoi qu'il dit, tu penses? Je sais pas. Moi, je me dis, si censure, c'est classique. Le fuck classique. Le word, le fuck. Tu sais, fait que ça attends, serait... Attends, avant de le dire. Ben attends, non, mais ça... ça dirait, I know you ain't afraid to fuck. Fait que c'est juste fuck. Non, ça serait ça, si on dit, Mais ils ont-tu repoussé les limites de ce qui est acceptable de dire dans une chanson? Ou... Ben oui, puis non, dans un sens, je le sais plus. C'est là que je me demandais, puis surtout que ça vient de Katy Perry. Ben, la vraie affaire qu'elle dit, c'est « I know you ain't afraid to pop pills ». Puis là, j'étais comme, on s'entend qu'elle parle pas d'aspirine, parce qu'il y a personne qui dit « Ah, j'ai mal à la tête, je vais popper un aspirine ». On parle de gravol au ginseng, bio, pas sûr en arrière du comptoir, mais... Ceux que tu peux acheter légal, sans prescription. Ouais, c'est okay, ça, chez quelqu'un, dans une pharmacie, dans un appartement. Oui, une pharmacie qui a un code de cuir, puis... Puis après, tu vas dans un autobus louche pour te rendre en quelque part. Que au podcast! C'est au ça, vodcast. Au vodcast! Fait que, tu sais, j'étais là... Qu'est-ce que tu vois où Katy Perry est en train d'encourager les jeunes à aller dans des vodcasts? Ben, t'sais, comme on parlait récemment, à comme pris une switch entre elle puis Miley Cyrus, on dirait qu'ils ont fait un échange de comportement, là. Tu sais que tu vas mal quand Miley Cyrus fait comme Chris, même moi je ferais pas ça. Ouais, ben je sais pas, je trouvais. Mais j'étais comme, ok, ils ont censuré ça. Puis j'étais, Chris, t'achètes ça à ta petite fille, là, parce qu'elle trippe, là, genre. Puis là, elle arrive à la maison, puis c'est, I know you're afraid to pop pills. Yeah, pop pills. You. Ben d'un autre côté, là, je suis pas mal sûr que dans les années 80, il y a des petites filles qui écoutaient du Two Live Crew aussi. Fait que c'était peut-être l'autre appât. Oui, si vous connaissez pas Two Live Crew, je vous suggère d'aller googler le classique Pop That Pussy. Oui. Dans le même sujet, je dirais aussi DJ Assault, le classique. Lui, son nom m'inspire confiance. Ascentilis, le classique. Mais parlant de Katy Perry, je sais pas si vous avez vu ces billboards où elle fait de la cultural appropriation de David Bowie. Ou tu sais, elle a comme un éclair rose en face avec comme le contour bleu mais Antoine pastel, Graton l'a pis... fait avant. Ouais. Ah, ouais. OK. Fait que Antoine Graton s'approprie culturellement David Bowie. Avant Katy Perry. Fait qu'on peut-tu dire que Katy Perry s'est approprié Antoine Graton? C'est comme une astide drop, ça, là. Boy. Je pense qu'on est rendu loin dans pis, le méta. Ouais, mais c'est, ça suit quand même, mais... Il me reste deux mini-sujets d'actualité. Ben, pas de trouble. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de quoi de différent chez nous. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas de verre de contact. Oui, j'ai plus de verre de contact depuis environ deux. Je suis obligé de porter des vêtements à plomb depuis. Mais non, je suis allé chez Lasik MD. As-tu une plug pour le corporate chain? Ça s'est fait. Non, pas en tout. J'aurais dû penser à ça avant, tabarnak. Fait que t'es pas allé chez Lasik MD? J'étais allé dans une place à Laval, une clinique qui. Je crois que ta mère dit que tu as des beaux yeux, Daniel Desaunis. Allô, maman. As-tu dit ça? Bonjour, maman de Milter. Bonjour. Puis, mais c'est ça, j'étais allé chez Lasik MD. Puis, ça s'est fait vite en maudit, dans un sens, là. Puis, j'étais allé comme un lundi, je pense, pour faire un check-up, un optométriste normal ou presque frais. Puis le vendredi, ben je me faisais opérer, puis c'est spécial. Ça va bien, là, je vois bien. Puis comment tu te sens maintenant que tu n'as plus besoin d'avoir des verres de contact? J'ai l'impression, quand je me couche le soir, que j'oublie de faire de quoi. Qui est d'enlever mes verres de contact. C'est vrai, là, ça faisait 20 ans. La révolution, c'est que... C'est ça, le pire. Je trouve ça bizarre. En dedans de moi, il y a comme quelque chose... Tu sais, comme quand tu sais pas si t'as barré la porte. Mais là, tu le sais que tu l'as pas barré tout le long. Fait que là, t'es comme... Je l'ai pas barré, j'espère qu'il n'y a rien. T'étais à la job toute la journée. Mais là, c'est la même affaire. C'est comme le petit bout que j'étais entre ma chambre de bain où j'enlevais mes verres de contact puis que je me brossais les dents. Puis que je voyais rien, puis que je marchais jusqu'à dans mon lit, que je connaissais le bout par cœur, tu sais, puis il n'y a pas de trouble. Ben là, je le vois. Puis vu que je brosse mes dents, puis je suis comme. J'ai plus rien enlevé, tu sais. Fait que je suis comme. Fait que là, hey, ça te prenait combien de temps enlever tes verres de contact dans le temps? 10 secondes. Fait que 10 secondes, 2. Puis ça te prenait 10 secondes les mettre? À peu près. OK, fait que t'as 20 secondes que tu récupères par jour. Par œil. Par œil. On va dire. Par œil. Fait que 40 secondes, t'as quasiment une minute complète là-dedans. Là. Oh oui. Comment tu dépenses ça, cette minute-là, maintenant? J'adore, je pense. J'adore plus longtemps. Plus? J'adore un bon 40 secondes de plus tous les matins. Ça fait toute la différence, pas à job, ça. Je suis énergique, ouais. C'est fou, là. Mais non, mais pour vrai, c'est fou de voir. Ben, ça doit être. Mais toi, t'étais quand même assez myope. Ouais, j'étais aussi, assez grave, là. Myope, astigmate. Non, myope. Juste myope. J'étais myope. -5.25. Genre. C'est quand même pas pire, là, il paraît. Mm-hmm. Je suis pas un expert en œil, là, mais. Que c'est pas un expert en œil. En œil, un opto, un œillologue. Un opto, un œillologue. Mais non, mais qu'est-ce qui est fucké? Je conseille à tout le monde d'y aller, là, ceux qui hésitent ou de quoi, là, c'est juste écœurant. Mais comme il t'explique tout, ça prend, là. Comme l'opération en tant que telle, là, ouais. 5 minutes pour les deux yeux. OK. Puis au même moment qu'il te le fait, là, genre, il te dit tout. Fait qu'il dit, ah là, tu vas sentir une petite pression sur ton œil. Parce qu'il te gèle l'œil avec des gouttes avant. OK. Fait que là, il dit, comme tu vas sentir. Quand t'as dit gèle l'œil avec des gouttes, puis t'as fait ça, non, non, comme une. C'est pas une seringue. C'est ça, il gèle l'œil avec des gouttes. Là. C'était des gouttes, là. Tu sais, une petite bouteille de visine, là, genre, ou whatever. Mais ça gèle ton œil. Puis là, il te met ça. Mais tu vois, là, c'est juste que tu peux te poquer l'œil. Fait que moindrement que t'es allé au secondaire, tu connais le processus. Ben, exact. Mais c'est lui qui te le met. C'est lui qui te le met. En plus, là, le médecin, c'est comme un gars. Il y a un gars qui, en tout cas, la seule fois que je l'ai vu faire, c'est mettre des gouttes dans. Tu sais, il y a comme des gants, là. Toute la journée, il se promène, il met des gouttes dans les yeux du monde dans la salle d'attente. Ton œil est gelé, il te poke l'œil. Okay. OK, fait qu'il y a un gars qui sa job. C'est, ben, c'est comme moi, je l'ai pas vu faire d'autres choses. Monde dans là, la salle d'attente. Il avait l'air à être comme le préposé au gelage d'œil. C'est lui qui est comme au comptoir du Barbie's Resto Bar Grill le vendredi, à côté d'un air vraiment. C'est le gars qui a fait la job. Peut-être. Laisse la bouteille ici. Je vais pas souvent au Barbie's Resto Bar, là, mais. Tu y vas pas assez souvent, tu veux dire. Ouais. Faut pas rayer aucune plus. Chance de commandite. Là. Mais, ouais. J'irais plus souvent. Hein. Mais, non, mais c'est fou, là, parce que là, c'est ça, ils disent, là, on va te mettre. Comment qu'ils disent? Ils disent, là, tu vas sentir une petite pression dans ton œil. Mais la petite pression, t'as l'impression que tu le vois arriver, là, avec l'affaire, parce que t'es gelé de l'œil, mais tu vois l'affaire arriver. Puis c'est comme une petite loupe. Puis t'es comme, ah, OK. Puis il te l'écrase dans l'œil. Fait que c'est ça, la pression. Tu sais, c'est comme. C'est quelqu'un. Ouais, mais tu le sens pas. Tu sens juste la pression dans le sens qu'il y a quelque chose qui pèse, mais ça fait pas mal, ça chauffe pas, rien. Fait que là, il dit, OK. Là, il coupe. Fait que là, oh, il nice. Coupe une slice de cornet. Puis c'est ça qui est drôle, parce que là, il te coupe, mais tu vois encore super bien. Tu vois mieux. Non, pas encore. Non, là, tu vois pareil. Sauf que qu'est-ce que tu vois? C'est lui qui approche avec un petit crochet en métal de dentiste, genre, là. Puis tu le vois, puis il te pogne le bout d'œil qu'il vient de couper, puis il le relève. Puis là, tu vois plus rien de cet œil-là. Puis tu sais, l'autre œil est toujours masqué là, quand il te fait ça. Fait que là, tu vois plus rien. God. Tu vois noir, mais pas noir comme il fait noir. Tu vois noir comme j'ai l'œil ouvert, puis il y a du néant. Mais la seule affaire que tu vois dans le milieu, c'est un point rouge. Puis le point rouge, c'est le laser. Ok, tu puis, vois le laser. Hein? Ben, tu vois pas un laser, tu vois juste un point rouge dans le néant. Puis là, il te dit, ah, regarde le point rouge, je vais compter jusqu'à 10. Puis là, pendant qu'il dit ça, c'est 1, 2, 3, assez vite, c'est pas un bateau, deux bateaux, c'est 1, 2, 3. Un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Pendant ce temps-là, t'entends, qui est un bruit de laser. Un tatoueur qui est en train de te faire ça un crème. Ça ressemble à un bruit de tatou, sérieux, là. Pendant le bruit, temps, ça sonne comme une machine de tatou pendant 10 secondes. Mais en même temps, ça sent le brûlé, là, oh. Total. Là. Puis là, t'es là comme, ah, c'est dans mon œil que ça sent le brûlé présentement. Là. Mais vraiment, là, comme une barbe, des cheveux qui brûlent, quelque chose. C'est tu sais, puis t'es comme, ah, puis là, t'es là tout le long, là, puis tu te dis, je t'arrête de fixer le laser. Ta mère fait dire d'arrêter de faire peur aux auditeurs, Jonathan. Non, c'est super. Ça vaut la peine, mais c'est juste très drôle, genre, là, le feeling. Puis après, il te replace le crochet, tu sais, il pogne le crochet, tu le vois, il replace par-dessus. Ça, ce bout-là, t'as vraiment peur parce que tu vois attaqueuse s'approcher. Non, même pas, ça serait drôle que tu fasses ça, mais... Là, mais... Ça me semble que t'es le docteur, tu fais comme juste pour le lol. Mais le gars, il, là, après, c'est à cause qu'il te plaçait avec le crochet. Fait que, tu sais, là, tout d'un coup, tu vois tout, là, super bien, là. Puis tu vois le crochet de proche super bien, puis il passe comme un coup de pinceau, si on peut dire. Une genre de colle. Ouais, genre de la PL. Ta cornée. Ouais, la PL 700. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est tout de suite. Puis là, après, c'est comme tu vois flou, c'est normal. Là, tu viens de te faire chopper un bout de deck. Fait que là, tu peux maintenant profiter du 4K. Là, ben, je sais pas. T'es rendu compatible. Il va falloir que je m'achète une TV 4K pour voir. Mais non, mais sérieusement, c'est ça vaut la peine. Là. Puis, fait que là, je devrais avoir, il faut que j'aie un rendez-vous bientôt. Puis, nanana. Les suivis. Ouais, t'as-tu eu des lunettes de Lionel Richie en sortant de là? Ils sont rendus plus cool que ça. Ils changent, ça a l'air, puisque tout le monde a vu mes lunettes. J'aurais dû les amener, je les ai laissées chez nous. Mais non, ils sont quand même pas pires. Ils sont foncés vraiment. Là, parce que pendant une journée, il faut pas que tu regardes rien. Pas d'écran, pas de soleil. Pendant une couple de jours, quand tu vas dehors, tu mets ça. Puis, ça vaut la peine. Là, c'est cool. Fait que là, tu sais, comme je vais checker, puis ils vont me faire des tests, voir si je reviens une vision. Eux autres, ils disent une vision 20-20. OK. Ils te garantissent 20-20? Oui. Pendant combien de temps? Ben, s'ils n'ont pas atteint mon 20-20 dans la première année, c'est garanti. Moi, j'ai une affaire de retouche inclus, là, ou je sais pas quoi. Fait que dans une couple d'années, je vais pouvoir y aller. Puis ils vont me retoucher ça si j'ai besoin de reporter des lunettes ou. Ben, c'est cool d'être rendu. C'est vraiment le fun, je trouve. Là, c'est quand même pas super parce que moi, je m'entendais que l'opération faisait mal, comme ça se peut pas. Puis t'étais pogné pareil comme Tom Cruise dans Minority Report avec les bandeaux, ses yeux. Faut pas que t'aies de lumière pendant X temps. Ben, peut-être que c'était ça il y a une couple d'années. Mais tu sais, comme là, moi, il y avait même deux choix d'options. Là, genre, puis moi, j'ai comme eu l'option plus haute. Puis l'option moins haute, c'est quoi? Personnel. Non, mais c'est. C'est comme un laser. Il gèle pas, genre? Non, mais c'est deux types de lasers. Il gèle pas. Bouge pas! C'est deux lasers, en tout cas, comme différents. Puis il y en a un. Moi, celle que j'ai, c'est comme ils ont besoin de moins couper de cornée. Puis ils brûlent 20 à 30% moins. Puis en tout cas, il est mieux, là. Je sais pas, là. L'autre, c'est comme la vieille technologie. Ils vont au vieux exacto. Oui. Ouais, vieux, vieux, vieux. Le même exacto pour tout le monde. C'est ça. Puis, faut que tu craches dessus pour laver avant. Il y a chaud pour lighter, pas désinfecter. Mais c'est ça, tu sais, c'est. Ben Chris, je suis content pour toi, c'est, cool. C'est quand même cool, puis ça a l'air que ça change vraiment une vie de faire l'opération. C'est le fun, là, pour l'instant, date, en tout cas, là, mais il n'y a pas grand-chose de changé à part que je vois et que j'ai l'impression d'oublier d'enlever mes verres de contact le soir. Mais justement, on a Shana Paul qui a calculé sur Twitch, il dit « En 20 ans, tu as perdu 4867 minutes de sommeil à cause des 40 secondes. » Ça, c'est juste 20 ans en plus. Là. C'est combien d'heures? Compte tenu que tu as 24 ans, tu as perdu un 24, peu plus que ça. Ouais. Ben oui. T'sais? J'ai des verres de contact depuis que j'ai 4 ans. Ben, t'es sorti, puis t'as plugué ça dans les yeux, puis... Il voit rien. Mais non, mais c'est ça. Puis parlant de vision 2020, oui. Qui a une vision 2020? Batman. Fait que t'es-tu en train de confirmer que... Que j'ai joué à Batman Arkham Knight? Oh! C'est ça. Sorti quand ça, Batman Arkham Knight? Ça fait presque un an, je te dirais. Ouais. Mais c'est qu'à cause d'Eric... Puis notre game sharing de hacker. Il a acheté il y a une couple de mois, il était comme en gros deal pis tout. Moi je l'ai installé, mais j'étais pas sûr. T'sais. J'étais comme j'ai joué à le premier. T'sais, on s'entend que le premier, t'es au Xbox 360. C'est con, mais j'avais resté pogné dans le training, puis j'ai su par après que c'était à cause d'un bug. Fait que j'avais comme rage quit. J'étais comme, c'est quoi ça? Je suis pas capable d'avancer. La porte est bloquée. J'ai pété une coche. J'ai plus jamais retouché. J'avais d'autres jeux. Là, j'ai dit, je vais jouer. Je vais essayer. Et c'est carrément Assassin's Creed Arkham. Si on peut dire. Je sais pas si vous avez joué. Là. Assassin's Creed Detective, genre? Ouais, un peu. C'est le fun. Je dis pas ça en négatif. Là. Mais il paraît que celui-là... Puis c'est un des côtés que je suis un peu déçu, que j'aime, mais que je suis déçu en même temps. C'est pas un mauvais point nécessairement, mais il te rentre là, la Batmobile dans la gorge, là, comme ça se peut pas. Là. Ouais, mais t'as-tu vu le marketing qu'il avait fait autour de la Batmobile quand je l'ai sorti? Ben, j'ai vu que c'était comme, un tank. Là. Vous l'avez demandé, on l'a inclus dans le jeu, mais là, c'est comme... On dirait que... Tout ce que tu fais dans ce jeu-là, le peu que j'ai joué, là, puis j'ai pas joué en Mongol, là, mais le peu que j'ai joué, c'était genre, hey, sais-tu qu'est-ce qui serait cool si tu ferais ça, là, présentement? C'est si tu faisais la même affaire, mais avec la Batmobile. Puis là, tu sais, ah, t'as besoin d'aller là, pourquoi tu prends pas la Batmobile? Ah, ben, c'est carrément ça. C'est comme tout est une gamique, puis te faire embarquer dans la Batmobile, puis faire, waouh! Il n'y avait pas ça dans les autres. Ben, moi, j'ai pas joué aux autres, genre, vraiment. Fait que là, je suis comme, c'est le bout qui me gosse le plus. Tu sais, genre, dans un sens, comme, elle fun au début, mais quand tu vois l'abus qu'il donne. Ah oui. Tu fais grand tabarnak. Mais ça t'a-tu fait poser la question aussi où. Comment je peux dire ça? Pourquoi Batman sort de la Batmobile? Elle fait toute cette petite bagnole-là, man. Il y a un... C'est un... Ben, comme tu te promènes, puis tu entends les gars parler. Puis il y en a souvent, ils disent des affaires comme hey, c'est pas juste, man. T'as-tu vu la Batmobile? C'est un tank, man. Le voice-over, c'est genre. Les voleurs, hey, si seulement ça, on avait une Batmobile. Ben, carrément, là, c'est ridicule, là. Puis tu sais, ma blonde, elle me regardait jouer, puis moi, j'arrive là, si je break en débile, puis je me mets. Je mitraille tout le monde, tu sais. Là, elle me regarde, elle dit Chris, Batman, il tue pas le monde d'habitude. J'attends, je sors, je canne chaque gars. Je dis, check, c'est marqué statut inconscient. Je dis, il est pas mort, il est inconscient. C'est juste des balles tranquillisantes. Ça, on s'entend qu'ils sont arrivés devant les SRB, puis ils ont fait voler notre jeu, puis non. Ouais, ça passe pas. Attends. T'as peur? On a rajouté un scanner. Il est inconscient. C'est ça. Regarde, Viston, Batman n'a pas tué personne. Je rentrais dans le gars, là, comme 200 avec la Batmobile, là, qui tout le long, il dit c'est un tank, on s'entend que quelqu'un 30, tu sais. Ils sont tous inconscients. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça que j'ai remarqué, c'est quand tu rentres dedans, il y a un petit genre de force field électrique qui stun le gars. Puis qui le protège du pare-choc. Sûrement, qui, genre, qui va à 200. Qui perforera à rate ou quelque chose dans moi. À quel point ton rating d'ISRB, faut que tu veux l'avoir bas pour décider de faire ça. À quel point tu veux rendre ton jeu accessible facilement à tout le monde. Moi, je pense que c'est vraiment, ils disent, gars, les fans de Batman vont capoter là, s'ils se mettent à arracher la tête à tout le monde. Là, t'sais. Ouais, c'est quoi la prochaine étape? D'avoir un avion Batman, genre? Ah non. GTA Batman, genre, là, que tu fais qu'est-ce que tu veux, puis... Déjà que l'avion est dans le jeu, mais que tu peux juste pas la prendre, elle se promène toute seule, puis elle scanne la ville pour toi, là. Mais, tu sais, non, mais en gros, j'ai aimé le jeu. J'ai beaucoup aimé les... Ben, j'ai pas fini encore, je suis quand même pas trop loin, je pense. J'étais à 79%, quelque chose de même. Mm-hmm. Mais, tu sais, t'arrives, c'est toi, tu pognes le monde, t'as des gadgets. Fait que, tu sais, c'est... Ça, j'adore ça, ce côté-là, là, Assassin's Creed, si on peut dire, là. Ben, il était cool, le jeu. Moi, j'ai vraiment eu du fun. Mais j'ai eu quasiment le goût de refaire un, peut-être pas les sauts 360, mais l'autre avant au Xbox One, j'ai quasiment le goût de l'essayer, là, si je le trouve pas cher ou de quoi. C'est vraiment le fun. Une autre affaire, par exemple, qui m'a un peu pas turn off, que je trouve juste, choix douteux. Le Riddler. Riddler est un de mes personnages préférés de Batman, de l'univers de Batman. Ce que j'aime, c'est qu'il y a tout plein de sauts. Tu peux leur changer les sauts dans le jeu. À un moment donné, moi, je suis arrivé et j'avais pas pensé. Genre, j'avais changé des sauts. Puis la shot d'après, j'arrive. Puis il y a une cinématique. Il y a Catwoman, mais elle arrive. C'est la Catwoman de Batman 1967. Fait que tu sais, comme. Eartha Kitt Lee Merriweather. La blanche, là, pas Eartha Kitt. La première. Lee Merriweather. C'est ça son nom. Je pense qu'il y avait d'autres choses. Mais en tout cas, c'est elle qui arrive. Puis c'est comme. Colin, j'étais pas. Parce que les autres cinématiques avant, j'avais la Catwoman de Arkham. Tu sais, genre, fait que t'es. Sur le coup, je fais le saut. Mais elle, en tout cas, elle est prisonnière par Riddler, nanana, puis tout. Riddler, je m'attendais à quelque chose de puzzle. Tu sais, un côté Uncharted dans le jeu, quelque chose de même. C'est toutes ces quests du Riddler, c'est comme oh, j'ai fait une piste de course pour la Batmobile. Puis là, t'es comme non! Encore placement de la Batmobile. Tu mélanges deux affaires que j'aime pas, de la course, puis la Batmobile. Puis tu m'enlèves quelque chose que j'aime dans le sens d'un énigme de Riddler, tu sais, ou quelque chose de même. Fait que là, en tout cas, c'est ça, j'étais un peu déçu. Puis le pire, c'est que même dans la dernière mission du Riddler, parce que t'alternes entre Catwoman puis Batman, des fois pour des puzzles, si on peut dire. Mm-hmm. Puis tu fais l'affaire, puis c'est carrément juste des grosses blades qui partent des murs, des grosses scies qui essayent, puis toi, faut que tu dodges les scies, tu sais. Puis Catwoman, quand t'es elle, puis t'es dodge, elle dit comme, c'est même pas un énigme. C'est comme, pourquoi tu fais ça, c'est même pas un énigme. Calisse, là, t'es man. Comme, calisse, le jeu est en train de s'auto-diss. Ben, tu sais, le pire, c'est que ça, c'est un peu l'autodérision. Je trouve ça cool. C'est ben, un peu oui, ça, c'est cool sérieux, pour ça, mais... d'un autre côté, tu sais, c'est justement, là, tu finis le jeu, puis ah, c'est-tu ce qui serait écœurant, quoi? Une belle ride en Batmobile. Ah, c'est carrément ça. Puis après, tu sais, moi, tu le sais comment que je suis un peu obsessif-compulsif avec ce genre de jeu-là. Oh, fait que je veux faire toutes les missions de chaque coin. Ben, crime, il y a des petites riddles cachées qui disent, là, du Riddler, genre, un petit peu partout. Ben, Carlos, c'est quoi? Des mini-puzzles faciles à faire avec la Batmobile? Parce qu'il y a des winches à tirer, à garocher de l'électricité avec ta Batmobile. Puis là, je check comme combien qu'il y en a de faites. J'arrive, OK, j'en ai 3 sur 216, là. Je suis, tabarnak. Ils veulent vraiment que j'aille mon 100%. 216. Ça, c'est dans le jeu de base. Il paraît qu'il y en a de plus quand t'achètes le DLC du Riddler, genre, ou quelque chose de même. Oh my god. Le DLC, genre, Riddles with the Batmobile. Oh, mais j'ai fait, ok. Là, je suis en train de finir la story, puis tout, je vais me garder les Riddles pour la fin. Ouais, j'espère. Si, tu sais, je vais sûrement abandonner à 100, 150. Check bien le programmeur chez Warner qui a fait, genre, copy. Paste. Paste. Puis là, le gars, c'est quoi? Il va être tough en style platinum là-dessus. Ouais. Okay, ben, c'est carrément ça, là, on dirait. Là. Fuck. Puis, mais le pire, c'est que toi, obsessif compulsif comme que t'es, il y en a un, là, c'est quoi? C'était Mr. Midnight, je pense. Ou t'as comme un. Dans un autre des jeux de Batman, là, Twitch puis Facebook, si vous avez la réponse, aidez-moi là-dessus. Là, mais t'as un personnage, un bad guy qui est en lien avec le temps. Puis là, t'as du monde qui ils ont fait comme « Hey man, m'a laissé le timer se rendre à telle affaire. » Puis là, il arrivait des shit dans le jeu où, après X nombre de temps, le gars donnait des énigmes. Je suis peut-être en train de compter ça tout croche, je m'excuse, mais il y a de quoi dans un autre jeu de Batman qui t'aurait trigger solide, parce que ça t'aurait fait comme « Oh fuck, faut que j'attende 8 ans pendant que la console est allumée. » 8 ans. Ah non, mais c'est fou, il y a du stock vraiment assez épique là-dedans. Mais ben, c'est cool. C'est quoi, c'est Rocksteady, je pense, qui a fait ça? Rocksteady Games, je pense que ouais. Eric est pas là, fait qu'on peut dire ce qu'on veut. Ouais. C'est Capcom! C'est ça? Nintendo exclusive. Là, ils twitchent chez eux, ils sont comme. Puis t'as Guillaume qui est à la même place que lui, qui fait comme. Fuck! Mais non, jouez à ça si vous le pognez pas cher. T'sais, je dis pas paye 90$ pour, là, ou de quoi, là. Mais moi, je l'ai gratis à cause d'Eric, là. Mais je pense qu'il l'a payé comme 8$. Mais tu peux l'avoir en use, je pense. Puis tu peux l'avoir vraiment. Mais si t'aimes Assassin's Creed, c'est super. Si t'aimes Batman, c'est encore mieux. Ouais. Puis c'est ça. Cool. C'est pas mal ça que j'ai fait. C'est pas mal ça que t'as fait? Ouais. J'ai fait d'autres petites affaires, mais ça vaut peut-être pas la peine d'en parler. Au pire, on reviendra plus tard. Ben ouais. Max, t'as fait de bon? Ben, ce que j'ai fait de bon, ça s'enligne pas mal sur jouer à Ark constamment dans les derniers jours. D'ailleurs, avec toi et la grosse clique de Monsieur Will. J'avais pas envie de la grosse... La grosse clique de ceux qui ont un loup dans leur logo, là. Non, mais juste la grosse, puis là, tu nommes quelqu'un, c'est comme, oh... Mais ouais, Ark, il est disponible sur console, en plus, maintenant. Il était disponible, mais là, c'est l'expansion que vous jouez, excuse. Non, normal, OK. Je pense qu'il va rager sur l'expansion dans pas long, aussi. Fuck Scorch Earth, j'ai juste à dire. Scorch Earth, OK. Autant le jeu est écœurant, l'expansion, mais payer aussi cher pour ça, quand t'as appris qu'un Season Pass qui sort, qui inclut Scorch Earth, celui qui va sortir au mois d'octobre qui s'appelle Aberration et ben deux ils vont pas autres te faire un deal. Aberration il est pas gratuit quand non, t'as acheté Scorch 20 Earth piastres. Tout non Scorch Earth si tu l'as acheté en part ils ont sorti le Season Pass après qui inclut Scorch Earth Aberration qui sort dans à peu près comment au mois d'octobre novembre puis apparemment il y a dans deux autres qui proviennent de ce Season Pass là. Fait que si toi t'as acheté Scorch Earth, tu te fais fourrer bien. Mais est-ce qu'ils vont faire. Ils le disent pas dans le fond, mais peut-être qu'ils vont faire un deal sur. Si tu l'as déjà. Nope. Moi je vais juste expliquer de quoi, là. J'ai acheté Ark au PC, qu'on a joué un peu, mais là il commence à être optimisé, fait que c'est le fun. Ouais. Après ça, j'ai acheté Ark au Xbox pour jouer avec vous autres. Après ça, j'ai acheté le DLC de Scorch Earth en vente sur Steam. J'ai eu un code gracieuseté pour avoir une copie d'Ark. Mais. Sur Xbox? Mais semble que c'est le genre de jeu que j'étais curé de racheter et de payer pour ça. Puis il est bon, il est même là, pas mais officiellement sorti. Non, il est officiellement sorti depuis une semaine ou deux. Oh! Non, même, depuis le mois d'août. Achetez-vous un 649, tout le monde. Il est officiellement sorti. Ils ont sorti des patchs officiels. Oh. Les Nvidia, AMD ont sorti des drivers officiels pour supporter correctement le jeu. À peu près 20-30% de performance supplémentaire. Ah. Là, il est officiellement sorti. Sur Xbox aussi ou juste sur PC? Non, je pense qu'ils l'ont optimisé un peu sur console ben, aussi. Je sais qu'il y a eu de l'optimisation, mais il y a sûrement de l'optimisation. Il est plus dans les game preview. Non, peut-être? C'est plus un game preview. C'est rendu officiel sur PS4 et Xbox aussi. Mais nice. Comme tel, le jeu est écœurant. Ouais, mais c'est cool en crise. C'est toujours de savoir qu'il y a des DLC over and over que tu payes constamment. Puis surtout le Price Race qui ont sorti out of nowhere alors qu'il est encore Early Access, à peu près 80$ sur Steam. Ouais. Ça a fait mal au cœur. Quand c'est rendu que tu as du monde comme justement Dean Hall de anciennement Bohemian Interactive qui dit que c'est de l'asti de bullshit qui a augmenté le prix puis que ça fait aucun sens. Puis lui, c'est de quoi qu'il parle. Est-ce qu'il y a Daisy, le monde a trouvé cher à 35$, le stand-alone? puis eux autres estiques encore early access, tu trouves le moyen de te mettre ça à 80$. S'il y en a un qui est bien par, qui est bien placé pour chialer, c'est Baleen Hall, honnêtement. Ouais. Mais c'est vrai que le prix est spécial sur ce jeu-là. Oui, mais c'est la demande qui fait le prix, hein? Ben, c'est comme... Ben, ouais, hein? Non, mais quand tu y penses, la chose, là, c'est combien ce PC, votre Battleground? 30$ à peu près? 30, il est juste 39,99$. OK, il a augmenté. Ouais, il est à 30, il est 40$. Ben, même mais il est encore considéré un... Il est-tu sorti officiel? Ou c'est non, un, c'est ça, c'est un early access. Ou un early access. Late 2017, c'est censé être... C'est ça, mais là, d'après moi, quand il va sortir officiellement, il va tomber à genre 59. Probablement. Probablement, étant donné que le jeu est quand même relativement très populaire. Mais si tu l'as acheté à 30$, t'as quand même toutes les updates, puis ils vont tout te donner. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est pour ça que moi, j'ai pas chialé sur Ark comme tel. Ouais, mais... Moi, Ark, je l'ai acheté, il valait 25$ à l'époque. Là, c'est ça. Ouais, moi, pas chialé. Mais quand je pense à mes chums qui aimeraient ça jouer, mais qu'eux, il faut qu'ils payent 80$, tu sais, tu t'attends à ce que ça soit AAA Games qui viennent de, mettons, EA, Ubisoft, tu dis, OK, 80$, c'est le standard. Mais on s'entend, c'est un studio indépendant, en quelque sorte. Fait que qu'eux autres décident de sortir un jeu aussi élevé au niveau du prix, j'avoue. C'est pas évident, j'avoue. Puis aussi, je suis d'accord sur le fait que Ark, moi, quand je vais dire Ark, je pense que ça vaut 80$. Honnêtement, je pense que c'est un jeu qui vaut ça. Parce que quand j'y pense, c'est le temps investi, puis que je me fais du fun. Ça vaut amplement 80$. Ouais, c'est un peu ça, par exemple. Parce ouais, que quand j'achète, exemple, je vais dire un jeu que j'ai pas joué encore, mais que j'attends qu'Eric me le prête, mais Uncharted 4, ben, tu sais, je paierais ça 80$. Je sais pas s'il est 80$, mais j'imagine qu'il est dans ces coins-là. Là. Ben, c'était quoi aussi? Non, mais vas-y. Mais tu sais, un jeu qui dure comme un 6, on va dire 8 heures. Hellblade, Setsuna, Chronicles. Setsuna, hein? Ouais. Mm-hmm. Ça, mais... c'est 40$, puis t'as 6 heures de content. Sauf que le selling asset, c'est t'auras jamais vu un jeu aussi beau que ça. Ouais, il est beau, il y a peut-être une histoire beau, écœurante, puis des affaires même. Puis c'est le genre de jeu que tu fais une fois. Puis que tu le refais pas parce que t'as quoi, eu PS4 punch. Était avec les loups-garous aussi. Gone là. Home. Ah non, ok. Avec les loups-garous. Ouais. The Wolf Among Us. Non, non, non, non, non, non, non, non. C'était, c'était genre. T'es un. The Order, justement, au PS4. Ah, oh, boy. Il y avait eu cette controverse-là aussi au début où c'était. Tabarnak, ok, c'est cher un peu. Tu vas le pogner à 29 après. Ark, je pense, c'est le genre de jeu que le consommateur va pouvoir choisir à quel prix il paye. Il a été pas mal tous les prix, ce fucking jeu-là. Il a été 9$ sur Steam, 39$ sur Steam, 80$ sur Steam, 80$ sur console, 9,99$ sur console. Je l'ai pas 99$. Vu à 80$ sur console, mais ben là, je cache ce que tu veux dire. Mais la box, par exemple, ça va contenir tous les updates. Par exemple, la box à 80$, le physical hardware, je pense que lui, il va inclure les futurs updates pour les consoles. Tu veux dire qu'il include Season Pass? Ben, je pense que la Season Pass est inclus. Je parle peut-être en dehors de mon chapeau, là. Fait que, corrigez-moi si je me trompe. Honnêtement, là, ça m'étonnerait, là. Parce qu'il y a déjà Scorcher dedans, il y a déjà Ragnarok, il y a déjà tout le kit sur le disque. Tu l'installes et tu as tous tes updates dessus, là. Scorcher, à la limite, ça, je vais comprendre. Ragnarok, oui, parce que c'est un DLC gratuit anyway. Ouais. Fait que ça, tu l'as on disque. Ragnarok, ça tue pas avec Thor? Non, ça n'a aucun rapport. Ok, je me demandais. Oui. Oh. That silence, though. Mais non, ça n'a aucun, rapport avec. Ça n'a aucun rapport. C'est en fait l'univers. C'est simili-nordique. Okay. Genre viking, mais on s'entend, là, c'est l'univers de Ark. Fait qu'il n'y a rien de viking là-dedans. Là. Ouais, c'est juste le style de l'île la terre, de où ça se passe. Peu, là, ouais. C'est ce style-là. Mais ça n'a pas aucun lien avec Thor d'aucune sorte. Ou avec des dragons comme Ragnarok de Final Fantasy. Ouais, ouais. Ça, ok. Mais le jeu, ça se résume à ramasse du bois des roches pour faire de quoi qui va te permettre de ramasser du métal puis de l'huile, qui va te permettre de faire de quoi pour ramasser du polymère. Bon, ça t'as pas pensé à une toune, ça? Entre-temps, tu fais... Ouais, les tounes vulgaires, machin. Je fais de la poudre pour travailler plus, pour faire plus d'argent. Pour faire plus d'argent. Imagine si tu joues à Ark, ça poudre. Ouf, tu vas couper du bois. Boy. Fuck, tu vas entamer du dinosaure. Le collectif n'endosse pas ses pratiques. Non, vraiment, non, vraiment absolument pas. À part si t'es un chanteur québécois. T'as le droit à ça, là. T'es entitled Tu fais partie de la communauté artistique. C'est québécoise. Ça. C'est ta carte, ça, c'est ta carte de la SOC. Non, c'est l'Union, quoi, des artistes. L'Union des artistes. Ouais. T'as un sauf conduit. Quand... elle vient avec un sac de crystal. Elle vient dans un sac. T'as un sauf conduit pour faire de la poudre dans la République de Mais non, mais moi, c'est... Shout out à tuer. J'ai hâte de parler de mon actualité tout à l'heure, tu sais. Mais. Sans joke, là, je trouve ces jeux-là le fun. C'est super cool en gang, mais c'est le genre de jeu que... Seul, c'est rough. Seul, je le passe, je joue 20 minutes, puis je fais « Ouais, fuck off, m'entendre les boys. » Ah, exact. Tu sais, je sais pas. C'est, ça oui, manque le... Tu sais, on est allé d'une grotte un moment donné, là, toute la gang, puis on se faisait casser à la gueule. Oui. Puis là, on arrive, puis il y a comme un esti de fucking rivière souterraine que là faut sortir aller chercher du stock, se construire un radeau, passer au travers, tout le kit, des fucking araignées qui, tu sais, ça c'était cool, c'était comme un raid de MMORPG dans un jeu qui ressemble à Minecraft avec des guns puis des dinosaures. C'est des beaux graphiques. Dis-moi, mais ouais. c'était nice. Mm. C'était dur. Puis finalement, pour se rendre compte qu'en fait, on aurait pu faire le tour par l'autre bord, puis on n'aurait pas eu besoin de faire ça. Ouais. Mais ouais. C'est ça qui est le fun. Perte de temps incroyable. C'était génial. 9 out of 10, we'll do it again. Moi, je le rachèterais, ce jeu-là, au moins sur le PS4, parce que c'est la seule console que je ne l'ai pas à date. J'avoue. Il fait-tu sur 3DS? Ah, calique, j'espère que oui. Je vais pouvoir m'acheter une 3DS. Puis un... acheter une console. Tu pourras juste pas le streamer parce que Nintendo, ils vont claimer les copyrights dessus. Ouais. Ça, c'est juste à moins que t'insultes. Non, j'irai pas là. Je ferai pas ça. Je ferai pas un PewDiePie. Non, don't do it. Don't mais do Ark, tu sais, c'est quand même gourmand sur un système, par exemple. Oui. On s'entend, ça te prend un ordinateur qui a quand même... Quand ils disent que pour jouer avec les graphiques à high, ça te prend une Titan X comme carte vidéo, c'est que c'est demandant longtemps, là. Regarde tous les jeux que t'as sur Steam, regarde là, les recommended specs, puis trouve-moi un jeu qui va te demander une Titan X, une Titan XP, tu sais, quelque chose qui coûte quasiment 1200-1300$. Jamais tu vas trouver ça. Pour jouer à High, ça prend une Titan X. Mais tu sais, d'un autre côté, quand tu joues à High, c'est débile. Là. Tu peux mettre ta main devant le soleil, puis là, la lumière fait du bloom qui passe. Ça, c'est fou, ça vaut la peine. Tu as le High Gaming Rig, c'est écœurant. Mais tu sais, il faut que tu mettes la pièce en sacrement. Ouais. Pendant ce temps-là, tu peux jouer à Fortnite sur une boîte de Kleenex qui est pluggée dans le 220. C'est ça. J'ai testé, ça va le rouler à 60 FPS. J'ai testé Fortnite à medium setting avec une GT 720. T'entends-tu, là, c'est une carte vidéo de marde, 60 FPS. Ouais, mais Fortnite est tellement léger, parce qu'on s'entend, d'un, c'est du cel-shading, fait que c'est quand même, ouais. ça se render bien, puis de deux, il est fucking optimisé, le jeu aussi. Là. C'est étonnant d'un jeu qui provient d'Unreal Engine. Ben, oui, puis de deux, hey, attends un peu, Fortnite, tu fais quoi là-dedans? Tu ramasses... Tout, sauf avoir du plaisir. Oui, mais tu ramasses du bois... Puis tu ramasses du métal. De la roche. Pour faire de quoi? Qui va te permettre de ramasser de la roche puis des affaires pour... Non, c'est tu ramasses des... juste de la roche, du bois. Quand... Puis... Y a-t-il un terme pour des loot generator games, genre? T'sais, mais pas du loot genre Diablo, là. Mais sandbox? Du loot genre... Sandbox? Il appelle ça un sandbox? Non, un sandbox, c'est GTA. Fait qu'il doit y avoir un terme qui est genre un Harvest Simulator. Ben, un loot game qui est comme les jeux de Destiny, de. Ouais, mais ça tu ramasses des guns, puis de l'armure, puis des affaires de ben, même. Destiny, puis chose qu'on jouait aussi, là, de Ubi, que j'ai oublié, que tu joues encore. The Division. Oui. C'est tout. Moi, je joue Fortnite comme mais ça. Ça, c'est du loot game, mais Fortnite, c'est non, plus c'est du. Pas le même genre, du resource game. Ben, ouais, mais c'est un resource game, le match. Mais tu fais ça pourquoi? Pour avoir du loot, des guns de couleur. Moi, je suis rendu level 30, là, 40. Puis je veux juste des guns oranges. Tu sais, t'es rendu là. On peut-tu dire que c'est un Harvest Crawler, genre? Non, un Tower Defense. Ouais, tu recommences tout le temps. Un Harvest Defense? Ben là, je sais pas si on mixe les affaires de même, là, mais c'est carrément... C'est ce qu'on veut, on l'invente. Ouais, on invente des termes vodcast. Ben, harvesting. Harvest, faut que soyez là. En fait, il y a du harvest, du loot, parce que tu cherches des cartes. J'ai vu des reviews, moi, qui disent même un card collecting game. Ouais, ça, c'est Fortnite. Ouais, mais c'est ça, je parle pour Fortnite, là. Mais mettons Ark et Fortnite, si on prend le concept que t'es dans pour des les ressources. Deux, c'est de la ressource, c'est la seule affaire, je pense, qui est similaire vraiment, là. Parce qu'il y en a un, tu te construis, oui, mais tu te construis pas dans le but de te faire attaquer. Tu te construis dans le but de survivre en général, puis... Parce que tu vas te faire attaquer. Ta base est pas nécessairement attaquée. Ah, oh, Chris, oui, man. Oui. Les dinosaures qui partent de nowhere, là. Mais tu sais, l'autre, tu sais que la base, c'est comme t'as un point de défaler. L'autre, c'est... Ouais. Fais qu'est-ce que tu veux, puis ramène des ressources s'il y a de quoi qui t'attaque. Farming Simulator? Pareil. Farming Simulator avec des guns. Aïe. Mais il paraît qu'ils ont rajouté, je l'ai pas downloadé encore, j'ai pas fait d'update, ça fait un bon 2-3 semaines, j'ai pas joué, là, puis je suis retourné sur Batman, puis des affaires là-même, justement. Slime Rancher, que j'étais dessus. Ça, c'est le genre de jeu que j'étais addict pendant une semaine et demie, puis que je l'ai lâché du jour au lendemain, j'ai fait Fortnite un peu aussi. Mais Fortnite, je vais y revenir, parce que justement, il y a des, je sais pas si t'as vu, des updates, justement, Player Unknown style. J'allais essayer. Tout le monde sort un mode Player Unknown. Mais c'est Battle Royale. C'est ça je trouve drôle. Le GTA est à chier. Là, je l'ai même pas essayé, le mode GTA c'est non plus. C'était limité là. À, c'est quoi, c'est 8 ou 16 players, je pense? 16 players, puis... Ouais. Puis les chars sont OP, puis... Okay, puis le monde, des fois, ils vont chercher des guns super OP, tu tombes, puis ils savent d'où est-ce que tu vas tomber, tu es dans les airs. T'as même pas le temps d'arriver au sol que t'es déjà mort. On a Gabriel sur Facebook qui nous mentionne que pour Ark, lui, il catégoriserait ça d'un jeu de type grinding, puis je pense que j'aime le concept. C'est du grinding, absolument. Mais je trouve que Fortnite, c'est encore plus grindé que Ark, à cause des cards puis tout le kit. T'as plus de catégories qui vont assouvir ton OCD de grinder. Parce que Ark, à ne pas confondre avec le réseau, t'es libre comme Minecraft. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Tu grindes, oui, mais t'es pas obligé de grinder du bois si tu veux pas, tu sais. Tandis que l'autre, t'as comme pas le choix, Fortnite, je trouve, de grinder, parce qu'il faut que tu grindes pour construire des affaires, pour avoir des meilleures defense. C'est pour vraiment un des vulgaires machins. C'est carrément. C'est vrai, le P. Là, je pense que je vais en mettre au montage. Ça serait legit. Pour grinder plus, pour avoir plus de niveaux. Il va falloir acheter les droits. Ils doivent plus avoir d'argent, les autres, des vulgaires machins. On pourrait leur acheter leur tune assez pas cher. Au pire, on pogne un shitty flute. Je les ai vus un moment donné, j'étais avec Israël, des geekers. Puis il y avait un petit resto hot dog pas loin de chez eux. Puis vu que j'avais pas soupé, j'étais allé me chercher des hot dogs. Puis il y avait le chanteur des vulgaires machins avec la fille qui jouait. T'as servi des hot dogs? Non, il était juste assis en arrière. Pis ça va être quoi votre commande? Il mangeait un hot dog. C'était ils ont juste la carte fun pour fact, ça. Là. Hey, salut Joe! Hey, salut, quand même... des vulgaires machins! Je te connais pas. J'ai quand même sûrement plus de cash que Marmotte Aplati. Ouais. Hey, non, mais on s'entend-tu que la trend de on genre... On perdre dans le style du monde, là, les jeunes. Hey. Non composé, weird, punk, trash des années 90. C'était les hotters. Les Marmottes, c'était quelque chose. Ouais. Moi, je les ai bien aimés, puis ils auraient continué encore aujourd'hui, probablement que je les écouterais. Là. Ouais, probablement. Mais ils n'ont pas continué, fait que... Mais là, Ark, on l'achète-tu, même s'il est 80$? Ben oui. Honnêtement, si tu veux te rendre jusqu'à la fin à Ark, tu vas dépasser de 80 heures de jeu. Ça, c'est sûr et certain. Fait que si ben tu vois ça d'un autre œil, tu sais, moins de 1$ par heure de jeu pour te faire le jeu en entier, t'en as pour ton argent, là. Versus les jeux que tu vas payer 80-90$, qu'après 10 heures, t'as fait le tour. Mais c'était complet, ça là. Un peu mon point de tantôt. Tu sais, t'achètes Uncharted, qui est écœurant, sûrement, là, tu sais, pis tout, là. Mais tu loues Uncharted. Ouais, c'est ça. Tu le loues, puis tu le grindes pendant une fin de semaine, là. Puis t'espères pas rester pogné sur un puzzle stupide. Mais un jeu comme Ark ou un jeu comme. Tantôt, je disais, t'as-tu payé moins cher? C'était quoi le jeu que j'ai dit, t'as-tu payé moins cher vu que t'avais acheté l'autre version? C'était. Non, mais c'est Ark, justement, t'as dit ouais. Season Pass quand que t'as. Ouais. Ou de quoi. Ben, moi, je viens d'acheter avant-hier au Xbox Don't Starve Together. Ouais, tu peux avoir le multi dans le fond de mais Don't Starve. J'ai le multi, puis là, je le vois, il est 14,95. Quand je clique dessus, par exemple, ça me dit, hey, il est 4$ pour toi parce que t'as la version single player. Ça, c'est cool, par exemple. Là, j'ai fait comme. Ah! Ça, c'est sur Xbox. Suite. Ouais, ou Xbox ben, One. C'est ça, sur Xbox. Puis ils ont fait la même affaire pour Minecraft. Dans le temps, j'avais Minecraft au Xbox 360 en CD. En plus, ça, j'ai trouvé ça cool. Je l'avais acheté en CD pour mon gars. Puis quand que je vois le jeu qui sort sur Xbox One, je fais comme ah, Minecraft sur Xbox One est 20$. Hein. Je clique dessus, puis le fun, pour voir les détails. Il me dit hey, 5$ pour toi. Et comme, 5$, je vais l'acheter à mes enfants. Tout de suite. Mm-hmm. Finalement, moi, j'ai joué comme 420 heures dessus. Sais-tu, plus j'y pense, plus Ark, moi, je vois ça un peu pour le Call of Duty gamer, que ça te fait un jeu pour alterner un peu. Tu sais, tu joues tout le temps Call of Duty. Puis t'es rendu prestige level over 9000, puis t'es comme oh my god, puis C'est vrai, t'es tanné de te faire des dick pics en emblème, là. tu peux alterner puis aller jouer à Ark. Puis c'est un pas peu. Un Minecraft, c'est pas comme ça. C'est pas trop un jeu d'enfant. Puis t'as le concept de faire des tribus dans Ark en plus. T'as des guns, du crafting. Je pense que c'est cool. Tu sais, un peu comme dans le temps qui disait ben, t'aimes ça Call of Duty? Joue donc à Skyrim. C'est un RPG avec du first person. Puis là, le monde est comme ouais, mais ok, mais moi, parler à Seigneur Gardakan pour avoir les bottes volantes, puis aller me. Je trippe pas, mais Ark, je trouve qu'il est un peu plus accessible. Okay. Puis tu me fais penser, Ark aussi, là, t'as beau dire, tu joues beaucoup, le jeu, un moment donné, à 3-4 places dans le jeu, puis j'ai peut-être pas vécu toutes ces 3-4 places-là, je m'ai jamais rendu assez haut, assez fort, puis tout, mais on dirait que ça devient un nouveau jeu. Il y a des moments que tu step up, là, on dirait que là, t'es comme, oh shit, là, je t'aime des dinosaures que j'étais pas capable, vraiment, pas en tout. J'étais assez fort pour faire plein d'affaires, puis là, t'es comme, tu sais, nous autres, quand on s'est construit une maison, c'est un bateau, là. C'était encore de... C'était un step up, là, dans notre game, là. Je te confirme que la calèche de la mer existe toujours. En plus, c'est rendu... Ben, c'est pas la même, okay, c'est une nouvelle. Okay. Puis là, elle s'est rendue la V3. Puis la V4 s'en vient dans pas long parce que là, elle est tout en roche. Puis j'ai comme une petite cabane dans le coin. Puis j'ai un landing pad que j'ai fait atterrir mes ptérodactyles dessus. Tu vois, ça c'était carré. Là, je peux me promener puis partir avec mes ptérodactyles. Puis aller grinder du métal puis des shit. Ben ça, c'est. Tu vois, ça, c'est... ça vaut le pesant d'or. Mais tu sais, quand on jouait, puis on était comme oh shit, je suis tout nu sur le bord de la plage, j'ai du gazon, les gars, j'ai pogné du gazon. Puis on était comme wouh. Puis qu'on faisait, on blastait I'm on a boat dans le voice chat en se promenant avec la calèche sur l'Xbox. Trois level 4, genre, là, puis on se prenait pour les rois du monde. Là. C'était pas un de vous autres, justement, sur Xbox, à un moment donné, c'était fait pogner d'un griffe d'un dino. Genre, tu pouvais plus bouger. Le gars, ils emmenaient à une place, puis ils ont donné du gros loot. C'était toi ou Rich, je pense. C'était nous autres, mais moi, il m'avait pas. Toi, t'avais droppé dans la prison de la mer. C'est ça, il m'avait pogné, il m'avait droppé à quelque part, puis là, t'as André qui venait me chercher en sautant sur des petites îles, puis le gars, il nous avait juste droppé. Il voulait pas nous tuer ou rien. C'est ça. Là, on était retourné sur la plage, il était revenu avec deux. J'ai une photo encore dans ma Xbox, je pense, de ça. Faudrait que je ressorte. J'ai pris un screenshot. Il arrive avec deux gros ptérodactyles géants. Avec des maisons sur leur dos. De quoi dire? Il nous regarde, puis il vient à côté de nous autres, fait un petit genre de emoji ou je sais pas quoi. Là. Nous autres, on en fait un, tu sais, puis c'est comme, ah, tu mouais, genre, j'ai comme 80 levels de moins que toi. Il nous drop du shit là, en quantité industrielle, trop fort pour nous autres. Genre, on n'avait même pas encore découvert la roche, là, puis il nous drop comme 800 000 roches. Puis on... Mais je sais pas si vous avez vu là, justement le release trailer de Ark qui rit un peu de ces moments-là où. J'essaierai de le mettre sur la page du collectif, là, mais t'as comme le gars qui spawn tout nu sur la plage, puis c'est pareil comme quand tu spawn dans le jeu. Il regarde sa main, il voit le petit cristal, ouais. Il se gratte, puis il regarde à gauche. Puis là, t'as une fille avec une mitraillette, c'est un raptor, puis là, il fait « Hi! » Puis elle le kill, man. Je pense que c'est le raptor qui le bouffe, ou genre elle shoot ou comment, puis j'ai fait comme « C'est-tu quoi? » Ça, c'est une compagnie qui comprenne leur jeu, qui le market pour exactement ce que c'est. Puis si t'as vu ce trailer-là, puis t'as ri, paye 80$ pour acheter le jeu live. Là, de suite. Parce que ça va t'arriver au moins 20 fois facile. Avant d'être capable de le pogner quand il est faible. Puis avant que toi, t'aies ton propre raptor. C'est ça. Ben, pas rien que ça. T'sais, des fois, qu'il y en a un qui s'essaye puis que tu réussis à l'avoir puis il fait comme ah, ok, c'est beau. Ça fait juste 8 fois que je le tue. Là. Il m'a eu ce coup-là parce que moi, j'ai pas regen ou rien. Là, ou une bad luck. Mais tu me donnes le goût de rejouer. Là. Faudrait se faire une gang d'Xbox. Genre, ou... Ben, tu sais, ce qui est cool, c'est que là, ça, nous autres, on pourra pas à cause qu'il y a Steam, mais non, les gens qui vont l'acheter sur le Windows Store, puis les gens qui l'ont acheté sur Xbox peuvent jouer ensemble. Fait que ceux qui vont l'avoir acheté sur PC, vous pouvez le pogner sur Steam ou sur Windows Store. Si vous avez des gens qui jouent sur Xbox, ben, pognez sur Windows Store. Mais tu me fais penser à quoi? Tu jouais à Rust, toi? Ouais. Oui. Avant, là. On joue encore. Ben, c'est ça. Rust, c'est rendu où? C'est cool. Moi, je trouvais que Rust était pas plus cool que Ark, mais je trouvais qu'il avait son charme. Mais la communauté est trop salée. C'est ça, c'est une communauté de mad Rust, il y a le problème. Rust pis Ark. OK, Ark, c'est... Tu vas te faire tuer, mais le monde va le faire d'une manière cool pis tu te le quittes. Rust, c'est l'équivalent... du kid de 11 ans sur le voice chat de Xbox 360 qui crie « I fucked your mom! » mais en permanence. OK, ouais. Tu sais, c'est genre « Hey, je vais me faire une petite cabane. » Puis là, tout le monde te tue, tout le monde te teabag, il te crie de la merde, il t'insulte, il te... c'est un cancer sur deux pattes, ce jeu-là. C'est okay. dégueulasse. Puis, tu sais, mettons, tu vas jouer à Ark, tu vas construire une base, whatever. Tu vas wake up le lendemain, puis oh, tout est encore là. T'as peut-être perdu un dino à la limite. À Rust, tu vas te construire une base de débile. Puis tu vas te chercher une guerre, 20 minutes, tu reviens, puis... All of a sudden, t'as genre 20 gars avec des rocket launchers qui ont tout fait écrouler ta base. Ouais. Fait que là, okay, t'as genre 3 jours de gameplay à genre 12 heures par jour de jeu qui viennent de se faire scraper dans 20 minutes parce que le monde, c'est des astuces. Puis t'as Akfen qui est en train de mentionner qu'à chaque fois qu'il stream ce jeu-là, il se fait stream sniper. Puis... T'sais, de quoi Rust? C'est quoi stream sniper? C'est du monde qui écoute ton stream pour savoir sur quel serveur t'es où, c'est quoi, ils viennent te chercher, tuer puis... pour le LOL. T'sais, fait puis Ark, c'est cool, les admins sont pas baveux. Rust aussi, tous les serveurs ont des admins de 11 ans qui jouent à Call of Duty, qui crient fuck your mom dans le micro, puis qui se spawnent dans ta base avec des rocket launchers, puis qui te tuent, puis leur trip, c'est genre. Hey, j'ai un serveur, je vais faire chier tout le monde. Fait que t'as 40 millions de serveurs qui a pas un nasty de shot dedans. Parce que c'est tous des kids de 11 ans qui sont admins puis que leur fun, c'est de péter tout le monde. Dans le fond, il est juste seul dans la map. La communauté de ce jeu-là est cancer horrible. Puis les serveurs Keb, parce que là, t'as genre Rust Keb x48 Resource, puis Resource, whatever. Puis là, tu te logues là-dedans puis tu te fais tuer par genre... X minuscule X majuscule Jimmy 420 Blaze It qui est également un jeune de 11 ans qui gueule fuck your mom dans son micro, c'est qui est contrarié dans son nom parce que si tu mets les XX c'est pour dire que t'es straight edge, mais de mettre 420 Blaze It ça veut dire que tu fumes t'es pas, du pot, c'est ça exact, fait que t'es comme fait que tu catches pas qu'est-ce que tu fais, t'as cette dualité là puis tu sais peu importe ce que tu dis, je te donne un exemple d'argument avec la même personne sur Rust, t'as genre tu te logues, puis là, c'est comme, oh, tu te caves, t'as clairement pas d'éducation, puis là, tu pognes les nerfs, puis tu réponds, t'es comme, tabarnak, fuck you, man, puis je m'en crisse, c'est je travaille. Puis là, oh, c'est ça, t'es rien qu'un vieux Chris, puis tu joues à des jeux vidéo, style loser, puis. Peu importe ce que tu dis, il trouve la corde pour te faire rager, man. Ouais. Ça donne pas le goût de jouer. Non, ben le jeu est excellent. Mais ouais, non, mais c'est, je trouvais qu'il y avait de le fun à toute fois que je voyais, mais c'était dans les débuts plus. Puis ouais. Ça, j'ai fait que c'est rendu. Il peut être bien le fun si tu hostes ton propre serveur. Puis tu rentres des bases comme du monde. Avec des rocket launchers, un client et fuck your mom dans le micro. Là. Exact. mais toi, t'aimerais peut-être ça parce que ça ressemble un peu au Facebook beef, mais dans un serveur genre. Ok, ouais. Donc, peut-être que t'aimerais ça, tu sais. T'auras la première place. Mais faudrait jouer avec tout le monde qui sont sur Facebook. C'est ça. Tu sais, il y a comme une base coriace, une base bière poulanger. Puis, ouais, ça serait drôle. Ça serait cool. Je m'en ferais plein. C'est vrai, on a le droit de dire son nom aussi. Non, bière poulanger. Bière poulanger. Mais Ark, qu'est-ce qui est cool aussi dans le mode multi, c'est que tu peux crafter des pancartes puis écrire des choses. Oui. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais dans les bases de d'autres mondes, genre inaperçus, puis je lâchais une pancarte, mettons, puis je faisais comme 9/11 was an inside job, puis je me pousse. Fait que là, tu sais, il y a un gars qui se relog dans le jeu, puis il y a une pancarte, il est comme fuck, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est nous autres, on jouait dans notre passe à Rambé beaucoup. On mettait beaucoup de pancartes à Rambé. Rip Rambé, all hail Rambé. Oh, c'était le bon vieux temps. Génial, génial. Fait que, à part Ark, t'as-tu d'autres trucs? T'as-tu. Oui, je suis le heureux instigateur, de mise en demeure. Oh. Hein? Dans mon industrie de mon emploi. Ok. Ok. Je pensais que tu recevais des mises en demeure. Là, t'es au courant. Non, attends, PV m'a rien envoyé encore. Je t'ai su. Faut que je fasse une mise en caution, par exemple. Tu es sur Internet. Tout je ce ne que nomme tu dis rien. Pourra être retenu et utilisé contre toi. Donc, est-ce que tu acceptes? J'accepte absolument parce qu'il n'y a aucun autre qui va être name drop. Carry absolument on. Rien. Carry on. Fait que, évidemment, pour des raisons légales puis des raisons de pas me mettre dans la marge, je nommerai pas pour qui je travaille, c'est qui les personnes qui sont... Tu l'as pas mis sur ton profil Facebook? Non, absolument rien. Fait que, je vais y aller, grosso modo, avec des exemples, mettons, dans l'industrie du jeu vidéo. Ouh. Mettons, moi, je travaille pour une compagnie de jeux vidéo, il y a une autre compagnie qui fait des jeux vidéo. Je vais te donner un exemple, mettons, justement, tu parlais de Batman Arkham Asylum, puis d'Assassin's Creed, Arkham Knight, ou whatever, dans cette série-là, puis Assassin's Creed, tu dis que c'est similaire sur certains points. Moi, je trouve que c'est quand même similaire. Fait que, tu développes un jeu, t'as ton site internet pour ce jeu-là, mais là, ton site internet, ça serait, mettons, warner.com/le-nom-de-jeu Batman Arkham Asylum. Puis, t'as l'autre compagnie, qui, pour une raison quelconque, dans le but de donner moins de visibilité, prennent un site qui s'appelle genre batmanarkhamasylum.com, puis ça le redirige vers leur site internet à eux, de leur jeu à eux. OK. Ou, tu sais, ils ont... C'est des mangements. J'imagine que cette compagnie-là pourrait aussi enregistrer le site bantamarkhamasylum.com. Genre... Puis genre, ah, oups, les touches les typos de frappe, possibles ouais, de ça. Batman, ils prennent, ils registrent. Puis... Il y en a beaucoup qui font ça. Ben. Ouais. Fait que c'était à peu près l'exemple qui est arrivé. Youprong.com. Ouais. C'est arrivé que je tombe tout bonnement là-dessus sur Internet. Puis là, c'est comme, ah, ça me dit que le site Internet de tout ça, il existe. Je suis comme, ça l'utilise le nom d'un produit d'un jeu vidéo. Mais c'est pas ça. Encore... Non, mais en fait, il est là, il existe. Mais ce site internet-là de mon jeu vidéo, c'est pas ça le nom de site. Ouais, OK. Ouais. Fait que moi, bonne pomme, je vais voir sur le site internet. Je vais sur Google, je tape l'adresse de ce jeu-là. Appuie sur Enter. Tout de suite, ça fait une redirection vers l'autre compagnie qui fait un jeu semblable. Exactement la même, à peu près style, mais ça va sur leur site à eux. Fait qu'ils utilisent le nom, mettons, de ma marque de commerce ou de la marque de commerce de, de mon CEO, du publisher, whatever. Puis ça va vers eux autres. C'est quoi qu'ils disaient la copie la plus belle... La copie la plus belle marque de flatterie ou quelque chose de même. En quelque sorte, oui. Mais c'est ce que tu apprends en arrière de ça, finalement. Tu sais, tu dis, j'aurais pu avoir quelqu'un dans la vie qui aurait envie d'acheter mon jeu vidéo. Qui a tapé, admettons, au lieu d'aller sur Google faire une recherche, il a tapé ça dans son browser parce qu'il se dit c'est peut-être ça le site web du jeu. Ouais. Là, il se retrouve sur le site internet d'une autre compagnie, tel jeu, puis t'as aucune preuve à l'appui, mais peut-être que ta personne-là n'a pas acheté ton jeu parce qu'il s'est fait dire, quand il a vu le site internet, « Ah ouais, mais ce jeu-là est à l'abandon, on l'a refait, puis c'est rendu ça. » En plus, c'est de la désinformation. Désinformation, parasitisme... Premièrement, c'est l'utilisation non conforme d'une marque de commerce, c'est une concurrence déloyale, puis c'est de porter à confusion des potentiels clients pour que toi, mettons, tu aies plus avoir de un bénéfice, c'est ça, un bénéfice quelconque. Fait que moi, je me suis rendu compte de ça, les personnes concernées ont été mises au courant, puis dans les derniers jours, ben il y a des choses qui ont eu lieu par rapport à ça, mais... démesuré là, ce qui se passe actuellement. Là. Tu te dis juste, ah, c'est niaiseux, ça aurait dû s'arrêter à, mettons, telle chose. Mais il y a tellement de choses qui autour de ça. C'est la pointe de l'iceberg, apparemment, de tout ce que c'est réellement, que genre, ça commence par une mise en demeure, puis là, c'est en train de prendre de l'expansion solide, puis c'est rendu catastrophique. Mais pour eux autres, pas pour vous autres. Non, non, non, pour nous autres, c'est genre... Mais bon. C'était offert sur un plateau d'or. OK. Puis, l'ironie de la chose, toujours sans nommer personne, la personne qui a acheté cette web-là pour le jeu vidéo en question, tu sais, souvent, quand tu vas t'acheter un autre domaine sur Internet, tu peux bloquer tes informations personnelles. Il l'a pas mis private. Fait que t'as son nom, son adresse, son nom de compagnie, son adresse de sa compagnie, l'autre adresse qu'il a pris, parce qu'il en a pris à peu près genre. Ah, il met toutes les liens. Tout son registrariat, il apparaît. Il apparaît. Ouais. Ça l'apparaît aussi son adresse personnelle à lui, parce que sur une autre adresse, il l'a fait à son nom personnel, avec son email de compagnie, mais avec son adresse quel chez con. Eux. C'est de même, exactement de même, j'avais trouvé les emplacements des bureaux chefs du groupe Tazar. Oui, c'est vrai, il n'avait pas mis ça private dans le temps. Non, non. Il n'avait pas mis ça private, puis c'était son adresse de chez maison eux, personnelle là. Dans son appart, dans le sous-sol en face du Maxi, à Mascouche. Il n'habite plus là, mais c'est ça. Mais le groupe Tazar, est-tu encore en j'ai pas là, checké depuis un bout. Hey, ça existe encore, groupe Tazar? Non, je pense que le site est offline, ou ça dit qu'il est en maintenance. Oui, il est en maintenance, ça fait 6 ans. Depuis 6 ans. Il y a encore 6 ans, t'es généreux, ça fait au moins 8. Commencez votre aventure dans la nouvelle toile communautaire. Ben, qui appelle encore un site internet la toile? J'ai trouvé aussi, c'était son affaire. Hein, nous sommes en maintenance, OK. Mais le site existe. Ce qui est cool, tu peux tweeter, ça veut dire qu'il paye. Partager sur Facebook, Google ou sur LinkedIn. Pourquoi tu partagerais le groupe Tazar sur LinkedIn si tu veux un Québécois, avoir une job? Ouais, mais ça coûte à rien avoir un Québécois, là. 50$ puis c'est fait. C'est encore actif, ça. Ben, il paye quand même 50$ par année, pas moins, hein. Je sais pas si c'est 50$ par année. Je pense qu'il faut juste que tu déclares. Je pense que c'est moins que ça, parce que ma femme, elle a un site web qu'elle a acheté il y a une couple d'années. Puis je pense que c'est comme 15-20$. 15-20$. Ouais. Le site internet. Ah non, toi tu parles de la compagnie, excuse, l'enregistrement de la L'enregistrement de la compagnie, c'est à peu près une cinquantaine de piastres. Clair, ouais, ouais. Mais si tu fais pas si tu fais le revenu sur un temps extant, tu perds ton autre compagnie. Je parlais du site web. Non, non, c'est le site ça. Web, c'est genre 10 à 12 piastres ton adresse. T'as-tu vraiment 2010? Oui. Ouais, ouais. Calice, ça fait longtemps, mais on vieillit. Mais encore là, non, il me semble que c'est 2008-2009, facile. Il y a peut-être juste pris son enregistrement. Il s'est réenregistré. Anyway, excusez, on s'éloigne du sujet, là, mais j'étais comme fuck, man, groupe Tazar, back from the dead. OK? Fait que en réalité, là, t'as eu la pointe du iceberg, tu te le quittes, puis là, ben je réalise en fait que c'est comme si je venais de faire péter un esti de bombe dans ce genre d'industrie-là de jeux vidéo. Puis tu fais comme, man, qu'est-ce qui va découler de ça? À quel point je vais être impliqué davantage? Ou est-ce que ça va-tu être profitable, pas nécessairement pour moi, genre, mais... Ben, tu sais, suis-tu rendu que... Il y a juste l'aspect profitable ou il y a l'aspect un peu... Il y a l'aspect justice, je te dirais. Justice, justement, un peu là-dedans, où la justice va être faite par quelqu'un d'autre. Mais comment je peux dire ça? T'as l'aspect aussi... C'est déloyal, puis c'est mal en ben, c'est déloyal, puis... Tu sais, oui, admettons, je suis loyal à mon employeur, puis... Tu sais, il y a plusieurs compétiteurs dans les domaines, là, on s'entend, là. Tu sais, t'as pas juste deux compagnies de jeux vidéo dans le monde, là. Tu vas en avoir des dizaines. Puis, tu sais qu'il va y avoir de la compétition, c'est correct, we deal with it. Puis, offre un meilleur produit, tu vas avoir plus de clients, so on and forth. Ouais, exact. Mais quand t'apprends qu'il y en a un dans la gang qui essaie de se démarquer, puis sa façon de se démarquer, c'est de te mettre des bâtons dans les roues, de prendre ton nom de produit pour que ça soit redirigé vers lui, puis t'entends des oui dire comme quoi, ah oh ouais, mais tu sais, ce jeu-là est en abandon, nous autres, on a repris le code source, nous a été donné, puis on a développé un nouveau jeu par rapport à ça. Puis ça, c'est juste des oui dire, t'as aucune preuve de ça, mais t'entends des oui dire de ça, genre de personnes qui en ont entendu parler, de loin. De jeux vidéo. Fait que tu sais, ça peut être la vraie bullshit, peut-être n'importe qui peut te raconter n'importe quoi, mais quand t'entends ce genre d'histoire-là, puis en plus, t'apprends que telle personne a pris ton nom de jeu vidéo pour que ça aille vers son jeu vidéo à lui, puis que... Ouais, c'est de la fucking bullshit, ça, puis, tu sais... C'est marketing douteux. C'est comme si je m'ouvrirais, mettons, comme le snack bar BJ dans le coin chez en nous. En face du restaurant BJ. En face du restaurant BJ, puis, tu sais, là, je ferais mon marketing autour de leur ancienneté dans la ville, puis non, c'est de la bullshit, ça. Mais ça me fait penser un peu à... Tu sais, quand tu scrolls ton Facebook, des fois, là... Ouais. Tu vois une pub de jeu, souvent plus sur cellulaire, par exemple. Ben, c'est le même principe-là. Là, t'es comme, voyons donc, ben, ils ont carrément rip-off. C'est un screenshot de Mario Bros. C'est genre, là. C'est un screenshot. C'est un gameplay de World of Warcraft. C'est un design où c'est mélange genre World of Warcraft, Final Fantasy, quelque chose. Puis là, tu vois comme, c'est vraiment trois jeux gros connus. Puis tout. C'est quoi la pire affaire là-dedans? Ça, c'est dégueulasse. Mais ce qui est vraiment dégueulasse, c'est que si je fais un live stream du podcast, puis j'ai la gaffe de faire jouer une tune avec un copyright, il me coupe mon live stream, il flush ma publication. Par contre, le advertising team de Facebook laisse passer genre Castle Game Russian Movie Copyright. Ouais. Puis là, c'est genre Arnold Schwarzenegger dans une scène de Last Action Hero. Là. Puis ça, c'est comme, OK, non, ce pub-là est cool, man, tu nous payes. Il n'y a rien de copyright là-dedans. Non, non. Tant que le chèque rentre, fais que si tu veux sur Facebook, on s'en gâle. Une fois, j'ai réussi à faire enlever une pub fausse de Facebook, un jeu justement dans ce genre-là, puis le background puis les images utilisées, c'était celui-là, Dragon Age Inquisition, mais je connais du monde qui travaillait chez EA. OK, fait que là, c'est EA qui s'est mis derrière. Exactement, ça, chez BioWare. J'ai envoyé ça, j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Il me dit, donne-moi des preuves, des screenshots puis des liens internet, j'ai envoyé ça à la gang légale chez EA. Deux jours après, boum, c'était disparu. Ah, mais eux autres, EA, man, honnêtement, là, tu sais, peu importe qui t'es, cette compagnie-là, ils ont comme... Au pire, ils t'ajettent. Non, non, mais tu sais, ils vont faire comme, tu vas faire quoi, Calis? Ben, on va t'envoyer la fureur de nos avocats, puis c'est mon gars, man. C'est des powerhouses, ces compagnies-là. Ubi, EA, toutes les compagnies. Oh, mais en même temps, pourquoi tu rip-off une compagnie de même? Là? Tu sais, c'est... Tu sais que ça va t'arriver. T'as des gars comme Player Unknown qui font comme, fuck that, je vais aller faire mon jeu, puis let's go. Puis ils pognent au bout, il y a un concept intéressant. Ouais, mais t'sais, on s'entend que c'est 1 sur 1000. Ben, t'sais, le gars qui a fait Minecraft. Il a fait son propre jeu. Non, c'est sûr, t'sais. Mais je veux dire, Cliff Bleszinski, c'est pas tout le monde il a du succès depuis qu'il est parti de chez Epic, lui. Ouais. Non. Ouais, c'est ça, ouais, j'étais comme... Non. Ouais. Mais OK, ouais. Fait que, ben écoute, bonne chance là-dedans. Ben, merci. J'espère juste que ça va aboutir à quelque chose de plus juste dans l'industrie en question. Ben, moi, je trouve ça cool que t'aies... J'espère que ça va aboutir à une prime à Noël, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je suis mieux d'avoir un fat bonus. Je fais jamais ça, genre, pour me bomber le torse, faire comme, hey, je mérite quelque chose au bout du compte. C'est juste que ce genre de choses-là, c'est aussi bizarre que ça peut paraître, ça nuit à ma job. Ben oui, parce ça met ta job en péril aussi. Ben, ça met ma job en péril, puis il y a du monde, des fois, qui t'appelle, qui sont en beau maudit, parce que... Pis c'est d'autres choses. Hey, on m'a dit, est-ce que t'existais plus, puis t'es encore là, puis moi, est-ce que t'es... Pourquoi tu me chiales après? J'ai rien à voir là-dedans, là, de quoi tu me parles? Oh, mais j'ai entendu dire que... Entendu dire que quoi? Ben, que telle affaire, tu le produisais pas, OK, so ben, what? Tu t'es fait mentir, fait que c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui t'ai menti. Ouais, mais tu le monde s'en calait. Si tu veux chialer à quelqu'un, ça donne que c'est moi qui se fais chialer après, tu sais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le bout de plate de travailler avec les publics. Ah ouais. Mais en même temps, on deal avec, tu sais. Je suis payé pauvre, je vais le faire, là. Putain, tu dors quand même le soir, j'imagine. Mais c'est le bout de le fun aussi de travailler avec le public en quelque sorte. Ah, des fois, c'est merveilleux. T'as jamais une journée pareille, tu sais. Moi, c'est bien plus basique que ça, mais... J'ai la vie m'envoie des signaux des fois, puis je pense que là, j'ai catché quelque chose. Je prends tout le temps mes vacances tard, parce que, ben, tu sais, je suis pareil. Je devrais y prendre plus de bonheur, puis finalement, je suis peut-être workaholic, je sais pas. Je pense pas. Mais ça fait cette année, j'ai pris des vacances un peu plus tard que ma blonde. On est allé à Punta Cana, la République dominicaine, also known as... des Dominicains qui viennent de te déranger pendant que peu importe ce que tu fais pour te vendre des cossins. Mais ça, je pense que c'est partout. Moi, c'était le même à Cuba. Écoute, Cuba était moins pire. Dans mon organigramme de sollicitations en voyage, t'as comme, on parlait de pyramide tout à l'heure. Ben, la République dominicaine, c'est pas mal en haut. Entendu en République dominicaine, picture with the bird, picture with the monkey. T'as des gars qui se prennent avec un singe puis un perroquet de c'est façon vrai, totalement oh, oui, des vrais sur la beach au soleil à journée longue, mais c'est correct parce qu'ils doivent leur donner de l'eau fraîche quand ils me caillent des bouteilles d'eau. C'est pas comme les chevaux dans le vieux port. Les chevaux sont aussi bien traités que les chevaux dans le vieux port. Fait que non, je parle de mon cul là, peut-être le singe il est super heureux, mais c'est un peu inhumain, puis ils font juste se promener puis ils gueulent ça sur la plage. Ils donnent une banane. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est tout ça, mais le détail croustillant du voyage, c'est que t'sais, on est là-bas, puis ça va bien, puis là, on regarde la température, puis hey, il annonce beau toute la semaine. Fait que là, on est excité, puis on est là-bas, puis ça va bien. Voyage de rêve, puis le kit. Bang, un ouragan mercredi. Non, même pas. Puis tout va fucking bien, là, puis j'ai rien à dire de négatif sur ce voyage-là. C'était fucking cool, OK? Puis là, le vendredi, on a eu un petit peu de pluie. Puis là, ben, tu sais, il y avait du bon Wi-Fi. C'est comme aller au citrouille. Fait que, tu sais, il y avait du bon Wi-Fi. Fait que, tu sais, j'étais quand même connecté un peu, tu sais. Puis ça a peut-être influencé mon voyage un peu. Mais, tu sais, je pouvais mettre des photos sur Instagram. Puis dire à tout le monde que j'étais pas chez nous. Puis d'aller me voler. Puis, je pouvais. Charlotte à GP des chiens de garde. Oh, mais le monde, il pense que t'habites encore à Laval. Ben, c'est ça, exactement. Fait qu'ils sont corrects. Le studio du collectif est toujours encore à Laval. Ben, ouais. Mais, tu sais, c'était cool, j'étais pas tant déconnecté que ça. Fait qu'à un moment donné, il y a un petit peu de pluie le vendredi. Puis là, finalement, on partait le dimanche. Fait que le dimanche, tu sais, on part. Là, je reviens ici, puis y a des signes que j'aurais dû remarquer connaissant ce qui s'est passé dans ces coins-là. Je donne un exemple. Il y a un gars là-bas qui s'appelle Domingo, qui travaille pour le resort, puis il est super cool. Puis il était bien gentil avec nous autres. Puis à un moment donné, Domingo était en crise. Parce que Domingo, il s'est fait apprendre qu'il était en congé forcé pendant 15 jours. Ça, c'était à peu près le mercredi qu'il nous annonce ça, tu sais. Fait que là, il nous traite bien, mais tu sais, tu vois, il est stressé, il est en tabarnak. Il t'a-tu dit pourquoi? Puis il nous dit pas pourquoi. Tu sais, il dit, ah non, mais écoute, la saison est plus calme, puis il coupe des chiffres au resort. Fait qu'on est une bonne gang, là, on va être off pendant 15 jours. Mais moi, je fais comme, bah, Chris, ça a du sens, il y a moins de voyageurs, puis là, tu sais, c'est plate pour lui, ça, c'est-tu. Ouais. Pis, fait que ça reste là. Là, après ça, ben, on continue notre voyage. Le dimanche, quand on part, t'sais, ici le commandant speaking. Juste pour vous mentionner, on va essayer de se dépêcher un petit peu à arriver à Montréal. Comme ça, on va rattraper un peu de temps, puis on va essayer de faire un vol agréable pour vous. Puis là, il roule dans panne tout le long, même. On arrive une demi-heure d'avance à Trudeau. Mais c'est un avion, pourquoi qu'il roule pas toujours dans panne? Ben, c'est parce que ça a l'air qu'il faut qu'ils se coordonnent parce que, mettons, ils savent que leur temps d'arrivée, ils vont avoir la piste d'atterrissage disponible, le carousel. Okay. Fait que là, on arrive une demi-heure d'avance à Trudeau, Puis, tu sais, là, il y a plein d'avions qui sont arrivés d'avance, le kit. Là, c'est le bordel sur le kit. Trafic le carrousel à bagages, le kit. Fait que là, tu sais, je suis comme, Chris, pourquoi que c'est grouillé tant que ça, tabarnak? On est arrivé une demi-heure d'avance, tu sais, en même temps que plein d'autres d'habitude, avions. D'habitude, c'est une demi-heure en retard, puis t'es ça. Comme, ah, c'est correct. Exact, tu sais. Fait que là, en tout cas, on ramasse les bagages, le kit. Puis là, maintenant, ben, tu sais, dimanche soir, c'est là que l'ouragan a frappé Punta Cana. Fait que on il est comme parti juste partir. Avant. Fait que là, c'est là que tu vois cette nouvelle-là, puis tu fais comme, ah, OK. Fait que ma théorie, c'est que le gars sur le resort s'est probablement fait dire, genre, il y a un fucking gros ouragan qui s'en vient, on va vous donner off, allez avec vos familles, réfugiez-vous, faites de quoi. Puis là, lui, il passe dans le resort, puis non, everything's fine, tout est correct. Ouais. Tu veux-tu un drink? Tu veux un drink? OK, good. Fait que tu sais, ma théorie, c'est ça. Puis là, après ça, t'as un pilote que lui, le pilote dans sa tête, ça devait être genre, hey, moi, je décalisse du site, on va battre le storm, pas question que je reste pogné d'un ouragan, il roule dans la panne. Puis tous les autres avions, ils ont dû rouler dans la panne en plus pour sortir de là. Fait que tu sais, en réalité, là, j'ai évité l'ouragan justesse. Ouais, c'est ça, de quelques heures. Tu sais, là, tu vois que t'as Saint-Martin, je pense qu'il y a 90% des buildings qui sont rasés. Puis c'était-tu là que t'étais? Moi, j'étais à Punta Cana. Non, je sais. Fait que tu sais, ils ont comme tout scrappé. Je sais pas c'est où, Punta Cana. Moi. C'est en République Dominicaine, qui est quand même des places, c'est fait fesser. Je sais pas bon ça, en géographie. C'est la map, là, mettons, là. C'est en quelque part. Dans le petit bout, là. Ouais, je pense, dans le dog leg, là, ouais, c'est là-dedans. Ouais. Là. Mais puis là, après ça, tu reviens ici puis tu fais quand même, Chris, je l'ai échappé belle. Puis là, t'as Facebook qui fait hey, l'année passée, à même date, t'avais du fun en tabarnak à Porto Rico avec ta blonde. Qu'est-ce qui s'est fait décalisser par Irma? Porto Rico. Dans le fond, on va plus en voyage. Moi, dans le fond, quand c'est la saison des ouragans, là. C'est là qu'on trouve des deals, moi et ma blonde, on a dit, ouais, pas de trouble, mais je pense que la vie nous a envoyé un message cette année, c'est juste comme avant. Septembre puis octobre, là, reste genre, chez vous. L'année prochaine, on va te pogner. C'est ça, vos pommes, parce que l'année prochaine, là. Mais tu dis ça, là, mais qu'est-ce qui me fait rire, là, c'est que j'écoutais à la radio un matin, genre Paul Arcand, là, ou quelque chose de même, puis il disait, on check sur des sites web. Puis, OK, c'était pas genre WestJet, là, tu sais, eux autres, ils avaient enlevé des affaires, mais il dit, présentement, tu peux te pogner un billet pour partir, genre, samedi, tu t'en vas à Cuba pour une semaine, 600$, mais il dit, le resort, il est, genre, démoli à 80%. Ben il oui. Il y a des il dit, tu check présentement les photos, tu vois des arbres tomber puis tout, mais eux autres, ils font comme fuck off, on veut le billet pareil. Si le gars, il est assez cave pour y aller... Là, il expliquait, il dit, c'est la compagnie qui doit, comment dire ça, la compagnie qui vend le billet s'arrange pour savoir l'état de l'hôtel. Fuck, man. S'ils l'ont vendu, puis ils n'ont pas checké, puis ils s'en crissent, là, puis que toi, tu es assez épais pour l'acheter, en sachant très bien qu'il y a eu un ouragan la semaine passée. Tu peux être dans la merde avec ça. Là. Ben, il dit, t'arrives là, puis l'autobus te drop en avant de l'hôtel, puis l'hôtel est démoli, puis il dit, non, ciao, je te repogne lundi, là. Non, fuck you, tu t'en vas t'arranger avec le gars qui est là, il va être okay. Il y a pas d'hôtel. Fuck. Fait que toi t'es pogné à Cuba, genre une semaine de temps dans la rue quasiment ou pas de même. J'imagine tu retournes à l'aéroport puis tu deals quelque chose là. Ben tu sais, mais c'est fou de voir, tu sais, moi c'était toute la couverture médiatique en plus là, tu sais, j'ai autant que quand j'étais là-bas, tu sais, j'étais sur fucking place puis ça s'en venait là. Puis moi ce que je voyais sur Facebook, c'était genre le monde qui capotait sa meute. Genre les reviews de tel jeu qui sortait sur Destiny, puis que l'équipe jouait juste un bon côté des choses. La traduction française de South Park qui est pas carrément capote. Tu sais, des affaires normales. Moi, je voyais ça sur Facebook, fait que j'étais comme, hey, c'est cool. Puis c'est là que j'ai réalisé une deuxième affaire. Je regarde plus les nouvelles. Tu sais, je regarde plus les nouvelles. Je vois pas Radio-Canada, je vois pas. Tu sais, je vois pas nulle part. Tu sais, je suis juste comme, je fais mes affaires, puis le kit. Je regarde Denis Lévesque, mais puis, on peut-tu vraiment dire ça comme des nouvelles? J'ai appris qu'il y a un ouragan qui s'en venait, puis qui était pour tout décalisser. Une fois que tout était décalissé, puis j'étais ici, puis là, tout le monde, c'était comme, « Hey, t'as-tu vu, man? Telle place est rasée, puis telle place est pétée, puis là, il y a des touristes pognés à telle place, le kit, puis je suis comme, « Ben, je l'ai échappé belle. Hein? » Mais il y a beaucoup de monde qui ont blâmé les médias de ne pas avoir parlé assez de ces places-là, comme où tu étais, et plus parler de aux États-Unis, qu'est-ce qui est arrivé en Floride, à Georgia. Mais ça, c'est comme la même affaire que quand tu fais la gaffe de poster sur Facebook, genre « Hey, crime, c'est dommage, on a manqué d'électricité. » Puis là, t'as un gars, il fait « Il mange pas en Afrique depuis 2 ans. » Puis là, c'est comme « Ben, OK, gars, c'est triste. » qui mangent pas en Afrique, mais sacrament. Laisse-moi mansplainer mes white people problems. C'est caliste, tu sais. D'un autre côté, il y a des problèmes partout sur la planète. Là, je peux me plaindre, moi, avec. Mais tu sais, c'est ça, c'était bizarre. Autant que la perception pendant que j'étais en voyage, c'est que j'étais connecté, j'avais mon cell, je voyais des affaires, je jouais des jeux Facebook avec eux autres. Puis tu l'étais pas dans le fond. Puis en réalité, là, j'étais carrément déconnecté de la situation. J'étais sur le spot qui était pour se faire ramasser. C'est ça que tu veux, dans un sens, d'être en vacances. Tu veux être déconnecté. Ah, j'étais déconnecté, mais sais-tu quoi, j'aurais aimé peut-être pas à ce point-là. peut-être apprécier savoir que ça s'en venait. Malgré que d'un autre côté, là, t'as mon côté qui fait genre, ben, tu sais, ignorance is bliss. Fait que j'ai profité de ma semaine parce que j'étais pas au courant, là. Mais c'est fou pareil de mais voir le gars tout qui ça. Domingo, c'est ça? Domingo? Oui, Domingo. J'espère Domingo, qu'il est correct. Mais j'espère que Domingo est correct. Je pense qu'il nous écoute. Ça, c'est non, je j'espère qu'il nous écoute. Mais je trouve ça plate qu'un gars comme lui, il est probablement forcé. Ben oui, lui, de il ne peut pas dire rien. Lui, c'est clair là, qu'il est au courant. Là. Dans ma tête, là. Il s'est fait dire. Sauf c'est peut-être mon tinfoil hat conspiracy peut-être theory. Peut-être qu'il s'est fait mentir, puis qu'il a le quotient d'un enfant de 6 ans, puis il fait comme, OK. Mais ouais. En même temps, tu sais, si ce gars-là, il sait, puis il est forcé à pas le dire au monde, je trouve ça un peu. Un peu là. Tu sais, je trouve que ça fait 28 weeks later, là, tu sais, le bout qui sont tous enfermés dans le parking. Ils disent, non, tout est beau. Puis là, tout d'un coup, le monde, il rentre par les crises de... Je trouve ça cool que t'expliques ça parce que... Mais c'est ça. J'ai une autre chose que j'ai faite récemment. Oh. Tu parles de monde coincé d'un parking. Moi, je vais te parler de monde coincé d'un centre d'achat. Et non, je ne parle pas de... Night of the Living la Dead. Meurtre. Okay. Ou de la meurtre. La meurtre. Faut arrêter de faire des jokes de la meurtre. D'un kazoo qu'il soit fâché après ben ouais, mais on reçoit Stupid la semaine prochaine comme invité. Tabarnak. There goes my job. C'est pas vrai. C'est dans c'est Jaggy Singh, notre invité. Non, mais on parlait de monde coincé d'un centre d'achat. Mais j'ai écouté The Mist sur Netflix. Oui, c'est bon. C'est fucké pis c'est bon, man. Ils ont fait une bonne twist. C'est une série ou un film? C'est une série de 10 épisodes sur Netflix présentement. Basé sur l'affaire de c'est basé Stephen sur Stephen King. Okay. Sur le roman de Stephen King. Stephen King, en passant, shout out à Stephen King parce que It, il paraît que c'est un succès. Qui nous écoute présentement. Il paraît que c'est le remake de It, il paraît que c'est fucking bon. Qui est très, très, très. Comment on dit ça en français? Non gendré? Non, confusing en français. Confusing, mélangeant? Mélangeant. Ouais. Parce qu'en français, les annonces, ils disent « Voyez ça! » Puis là, « ça », là, je suis comme l'anglophone en moi, il me dit « Si tu as un nouveau décadence? » Oh! Ou c'est un peu ironique que l'anglophone voyez en toi dise « Si tu as un nouveau décadence? » Ben non, mais tu caches ce que je veux dire. « Si tu as un nouveau ça, tu sais? » C'est ça, ouais, ici, ça, là, c'est puis là, t'es comme « il, il paraît que, justement, ça, it, il paraît que c'est malade. Puis je dirais pas que The Mist c'est un chef-d'œuvre, mais on a commencé à l'écouter justement là-bas parce que j'avais une tablette avec Netflix, puis Netflix maintenant tu peux télécharger Spotify. Spotify, puis il faut que tu remettes ta licence quand à jour à Internet, chaque 26 hein. jours. C'est pas 30, c'est 26, moi que ça me marquait. Mais anyways, fait que The Mist dans une petite ville, il y a de la fucking boucane qui arrive, du brouillard tellement opaque. Des gens qui crèvent, un gars amnésiaque. Y a une bonne intrigue dedans. Puis il y a des affaires, tu sais, si vous avez déjà vu le film de Mist, le film de Mist était fucking très bon. Hey, puis fait divers sur le film de Mist, parce que là, j'ai commencé à lire sur The Mist. J'ai quasiment fait un Tales from the Click, tu sais, je me suis inspiré de JB. J'étais allé lire sur The Mist en l'écoutant. C'était enfermé dans une salle noire. La fin du film n'était pas comme dans le livre. Mais la fin du film a épaté Stephen King, qui a fait genre « Ok, guys, vous avez fait une fin encore plus terrorisante que mon livre. » Est-ce qu'on peut spoiler les fins pour comparer, vu que c'est quelque chose sorti il y a quand même 15 ans? Ouais, je pense qu'on pourrait le faire. Et l'écriture, 25, spoiler alert, tout le monde. On va laisser la chance au monde. Regarde, spoiler alert, si vous planifiez écouter le film de Mist dans les prochains instants... moi je vous inviterais peut-être à avancer dans 5 minutes le podcast, ça va nous prendre ce temps là à peu près. Fait que la fin du livre, Joe, ça finit comment? Le livre, je me souviens même pas, je me souviens pas. Moi c'est le film. Bon, je vais aller chercher la fin du livre. Moi je me souviens du film. Fait que vas-y, explique le film. Ok, le film, le gars le gars, ses enfants, puis je me souviens plus qui, une petite famille si je me trompe pas, un couple ils réussissent à trouver un char, ils se poussent de l'épicerie qui était comme un peu enfermée dedans avec une gang de monde que ça dégénérait. Ils se poussent, il me semble qu'ils ont plus de gaz ou quelque chose de même. Ils arrêtent dans un petit chemin, si on peut dire, puis ils sont comme « fuck off, on va mourir ». Puis le père, pour pas faire vivre ça à ses enfants, ou je sais pas comment dire ça, il tire ses deux enfants. Tu le vois pas, parce que c'est pas du graphic gore horror là, du Stephen King. Non, c'est de l'horreur psychologique. C'est ça, mais tu comprends qu'il tire ses deux enfants, puis qu'il sort du char pour se tirer lui-même. Mais au moment qu'il sort du char, il voit comme une grosse bébite se faire... Elle me fait penser à... C'est quoi un A4-T4? Dans Star, les quatre pattes, là? Les AT-AT, là. Mais c'est eux autres, les quatre pattes, les gros walkers? Ouais, okay. AT-ST, c'est les deux pattes, AT-AT, c'est les quatre pattes. Je m'étais pas sûr avec les deux pattes. Fait que les AT-AT, mais c'est une genre de bébite fuckée, là. Puis tu vois qu'elle se fait ramasser par l'armée, puis que l'armée est comme en train d'avancer comme un gros mur, puis de tout anéantir, qu'est-ce qu'il y a dans le brouillard. Le gars se fait sauver puis en réalité par l'armée. Puis le gars, il se fait réalité, il se fait sauver à dernière seconde par l'armée. Il s'en allait se gonner, mais l'affaire, c'est qu'il vient gonner tirer ses deux enfants. Puis là, il capote, là. Puis c'est comme, il est fou, mais là, moi, je m'aurais tiré pareil rendu là, là que l'armée soit là ou pas, peu importe. Mais le gars... Tu es kid, oublie ça, man. C'est ça, tu sais, fait que là, c'est la fin du film. La fin du livre, David et son enfant continuent de conduire. Il y a juste un enfant dans le livre. C'est lui et son fils qui continuent de conduire. En souhaitant désespérément trouver une place qui n'aura pas de brouillard. Et ils sont incertains de quand le char va manquer de gaz. Ça, c'est la fin du livre. Ouais. Ça finit de même. Genre, ils se poussent, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui leur arrive. Fait que Stephen King finit son livre d'épouvante avec ça. Puis, le gars qui a réalisé le film, il a fait genre, sais-tu quoi, man? Moi, je t'amène ça à une autre étape. Moi, je continue plus loin. Puis cette épouvante il gagne ses flots, parce qu'il se fait sauver en se disant, il n'y a plus d'espoir, puis là, finalement, il y en avait. Là. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, il aurait attendu. Il aurait donné une chance de survivre versus faire le choix, genre, moi, je vais leur épargner la souffrance. Le champ, ouais. Tout le monde serait vivant, là. Fait que la fin du film est sublime. La série, c'est quand même fucké. Il y a comme c'est-tu les mêmes personnages ou juste, genre, même univers, c'est fortement si on peut inspiré dire. Des livres. Je sais pas si c'est tout 100% accurate. J'ai pas lu le livre, là. Fait que, tu sais, j'étais juste allé lire sur la fin puis le kit. Le film, je l'ai vu, ça fait bien longtemps. Mais en gros, ça se passe dans une petite ville. Il y a une petite fille que ses parents s'entendent pas super bien parce que le père la laisse faire tout ce qu'elle veut, tout le kit. S'en va dans un party. Son père, il a dit qu'elle avait le droit d'y aller. Sa mère, elle voulait pas, puis elle est pas au courant. La fille va au party. Elle se fait violer. Oh. Fait que ça start direct au début, mais là, tu sais pas qui l'a violée. Tout le monde pense que c'est le jock de la ville, joueur de football, fils du chef de police. Ouais. Classique, comme Riverdale. Fait que, c'est très Riverdale. Mais là, finalement, pendant que ça arrive, fait que là, il y a des tests qui se font pour savoir l'identité, tout le kit. The Mist arrive. Le brouillard arrive. Là, t'as du monde qui sont pognés dans une église. T'as du monde qui sont pognés dans un centre commercial. Tu vas être pogné là. On s'entend qu'entre l'église et le centre commercial, c'est très psychologique. Moi, j'aurais voulu rester pogné pas mal n'importe où, le brouillard rentre là, parce que c'est quand même vraiment nice la façon qu'ils l'ont fait. Les personnages. Certains sont attachants, certains te tapent ses nerfs, que t'as le goût de leur fesser sa gueule. T'as-tu tout fini? Tu le binge? Ouais, on l'a fini hier. Là. Okay. On a écouté les trois derniers épisodes, on s'est claqué back à back. C'est 10 là. Épisodes, c'est ouais, ça? Ouais, il y a 10 épisodes présentement. Ça va à peine, c'est une bonne série. Disponible en 4K en plus, 4K HDR. Netflix, en passant, ils ont eu une bonne resurgence de contenu 4K HDR. Fait que c'est quand même cool, là, t'as bien des séries. C'est pour compenser pour le Disney et le Marvel. Netflix canadien, ça? Oui, Netflix canadien, effectivement. Oui, il est dans ma liste, mais j'ai pas écouté encore. Oui, puis vite, dans même, j'y pense en plus. Une des affaires les plus toughs tout au long de mon voyage, là, ça a été d'éviter tous les spoilers de Game of Thrones. Parce que je suis parti, genre, le dimanche, quand que la finale de la saison 7 ou 8, ça c'était 7, hein? Quand que la finale jouait. C'était la journée que je m'en allais. Fait que là, toute la semaine, j'étais sur Facebook, puis je scrollais, j'étais comme... Non. Puis ils ont pas ça à Punta Cana. Mais là, le fuck, c'est que j'ai TMN Go, parce que dans mon forfait, avec mon fournisseur de télédistribution, j'ai TMN d'inclus, fait que je l'avais sur ma tablette. Fait que là-bas, je fais, hey, c'est-tu quoi? Fuck off. Je vais l'écouter. Erreur 4300. Là. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Vous ne pouvez pas accéder au contenu car vous êtes à l'extérieur du Canada. Fuck you! What the fuck? Je paye pour ça, puis là, parce que je suis pas dans mon pays d'origine, je peux pas l'écouter. T'sais, ça, c'est votre manière en tant que compagnie de prévenir la fraude. C'est justement à cause de ça qu'il y a plein de styles d'émissions qu'on n'est pas capable de regarder, puis des vidéos sur le web. J'avais une émission de lutte de nains, man, que je pouvais pas regarder à Spike à cause que c'était pas disponible nous autres. Puis j'allais sur le site web, c'est comme fuck you, you're in Canada. Puis t'es comme ah, c'est juste des nains qui se battent. Pendant ce temps-là, t'as Netflix qui fait genre tu peux downloader ton contenu. Tu sais, mettons, je suis au Canada. Ouais. Je télécharge mon contenu canadien, bien sur mon chose, la licence à renouveler, je l'ai pour 30 jours. Je m'en vais aux States. Quand je vais streamer, le contenu que Netflix n'a pas les droits aux States disparaît de Netflix. Parce que Netflix, ouais, tu log, il fait « Hey, bienvenue aux States ». Fait que ta bibliothèque disponible, elle s'actualise, soit à prendre l'ampleur ou à se réduire, tout dépend. Mais ton contenu téléchargé, tu peux l'écouter pareil. Fait que TMN Go, vous êtes une gang de fucking attardés avec votre application. C'est le temps mais c'est parce qu'il est téléchargé. Fait qu'il est dans l'affaire qui est plus localisé. Ben c'est ça, mais au pire, TMN Go m'aurait donné le choix de le télécharger, mais il aurait fallu, je pense, le télécharger à la maison. Sauf que même encore là, ça joue à TV, ben il est disponible le lendemain sur TMN Go. Grosso modo, j'ai évité toutes les fucking... Comment je peux dire ça? Toutes les fucking spoilers, je suis passé à côté. Puis on s'est carrément juste binge-watch Game of Thrones en revenant de voyage. Fucking bonne finale, là. C'était vraiment cool. C'est fini, puis toujours, là? Non, les restes de saison que j'attends de pied ferme, je pense... T'as écouté, t'es à jour dans la saison? Je suis zéro à jour, mais mon Facebook, c'est genre la capitale du spoiler. Fait que tu t'es fait spoiler? Je me suis fait spoiler. Ah, c'est dommage. Mais no fuck given, parce que je vais l'écouter, je sais que je vais trouver ça. Mais le moment va être épique quand même à écouter, parce que visuellement, là, c'est quand même nice, parce qu'on est rendu dans des épisodes où je vais juste dire que ça brasse. Moi, je m'ai fait spoiler dans toutes Breaking les Bad par Vice Québec dernièrement. Je leur ai donné de la merde. Pour vrai? Ben oui. Ah, mais Breaking Bad, selon nos règles du spoilers, il y aurait le droit de te spoiler. Je le sais, mais je lui ai donné de la merde pareil. Puis après, il y a eu plein de monde qui ont répondu, puis j'ai dit, c'est pas grave, je m'en crisse, je l'écoute pas. Ben, tu sais, honnêtement... Tout pour blaster Vice. Même à Star, là, tu sais, t'as la page de Game of Thrones, carrément, que le lendemain, ils postaient des affaires, puis le monde était comme, « Really? Esti, j'étais en Australie, puis je l'ai pas écouté encore, tabarnak! » Fait que, tu sais... Ouais, mais là, faut qu'il like Game of Thrones Australia. C'est ça, l'affaire, là. Ben, c'est rendu compliqué, éviter les spoilers. Ouais, honnêtement, je sais. C'est vraiment tough. Mais, tu sais, en gros, j'ai trouvé ça cool, parce que j'avais du contenu, tu sais, même des avions, t'as plus de Wi-Fi, ben, t'as du Wi-Fi à 14$ qui te limite. Qui te disent Wi-Fi 14$, puis là tu payes, puis là tu fais comme ah, tu peux pas streamer avec. T'as des films au moins? T'as des films dans l'avion, mais check ça, ça c'est une autre affaire. Je me suis renseigné avant de partir. Moi j'étais avec Transat. Transat ont des applications que tu installes sur ton cell, parce que maintenant, eux autres se sont dit le monde a des cellulaires, puis le monde a des tablettes. On va couper les coûts de production des avions, on mettra plus de petits écrans cheap dans les bancs. Le monde à Star, t'as un système Wi-Fi commun que tu te connectes avec l'application Air Transat. Puis là, t'as Air Transat A puis Air Transat B. Un pour les Boeing, puis un pour les Airjet ou je sais pas trop quoi. Fait que tu te connectes là-dessus, puis là, sur ton application, t'as accès à la bibliothèque, puis tu peux streamer, puis écouter, puis avoir les films, puis les affaires là-même. Puis c'est cool. Sauf que si tu l'as pas downloadé, l'application, puis t'arrives dans l'avion, you're fucked. Ça, puis c'est... Ça, je te gâche qu'ils te le disent pas avant. Ben, tu sais, il faut que tu ailles te renseigner. Sur le site web, t'sais, dans la Contactez-nous. Puis si tu installes l'application pour FAQ, faire le quick là, check-in, puis les affaires de même, ils vont te redire. Mais ils disaient pas qu'on n'a plus le droit d'avoir de gadgets électroniques dans les avions, dernièrement? Tu peux. L'airplane mode, maintenant, il a évolué. C'est que tu peux avoir du Wi-Fi. Le Wi-Fi ne crée pas d'interférence dans certains avions. Non, mais je pensais que c'était plus pour les explosifs. Moi. Non, ça, c'est juste les. Il avait fait ça pour les appareils Samsung. C'était de la désinformation de masse, là, tu sais, c'était comme il y a un Samsung qui a sauté à Star, tout un iPhone, fuck you, c'est une bombe. Non, j'ai vu ça il y a comme une ou deux semaines, il disait de tout gadget électronique dans les avions, genre le monde disait ben là, dans l'annonce de la Nintendo Switch, on le voit jouer dans l'avion, comme là j'ai plus le droit, c'est. Il capotait pour ça, genre là. Ouais, sûrement parce qu'il y a quelqu'un quelque part en Ouzbékistan qui a sorti de quoi, qui a pété, puis là, ben regarde, pas rien que ça, j'avoue ce que règlement-là si a duré mettre... autant que la carrière de hockey de George Arak. Ouais, ben c'est fait ça. Que, dans le West Coast. Je sais pas. Quatre mois. Mais, je connais rien au hockey, je pensais que l'Arak il aurait joué au moins une saison. Il a joué une saison. Il en a joué trois, je pense. Trois saisons? On a pick-up l'Arak pour se dire, ce gars-là, ça va être notre joueur de troisième, quatrième trio qui va sacrer des valets au gars. Puis lui, il a décidé de faire comme non, moi je suis vegan pis serein, je tape personne. À part, Canadiens, à part répandre le mot de texte. Fuck you. Fuck you. Il est homosexuel, il paraît. Mais ça. Faudrait demander à PV. Je suis pas sûr. Ouais, mm-hmm. Il l'a fraudé. Il se doit 25 okay. 000 piastres. Mais sujet à part. Mais c'est ça. Fait que en réalité, c'est juste cool à star de t'sais, un autre travel tip. T'sais, avant de partir, j'ai fait mes playlists Spotify, offline mode, j'avais tout downloadé. Ouais. Fait que j'avais ma musique sur Spotify, mes épisodes sur Netflix downloadé pour dans l'avion, tout le kit. Puis finalement, c'était faut, cool. Faut que tu mettes tes appareils au complet, dans le fond, en mode vacances. Dans un sens, ouais. Quitte ben, à déliter des avant, applications de marde là, ouais. Que tu ne savais pas, puis tu downloads tes certains films, certains Spotify, justement. Puisque j'avoue que moi, quand la dernière fois que j'étais en voyage, là, j'avoue qu'une petite playlist de musique là, dans la chambre d'hôtel, puis tout, là, en attendant que quand on se prépare ou des affaires de même, ça aurait fait du bien. Ben, c'est cool, puis tu sais, c'est, ça fait partie de la préparation. Moi, j'appelle ça l'effet un peu vacation geek ou whatever. Mm. Là, tu sais, là, oh mon Dieu, geek de tout. Mais fuck off, le gars. Fais juste te préparer. Tu pars en vacances. T'sais. Moi, je trouve on est dans un beau spot où la technologie permet d'avoir cette flexibilité. Tu t'en vas relaxer. Là. Tu veux ta musique que t'aimes. Tu veux tes livres ou tes comics que tu downloads, exemple. Ah ouais. Tes films ou whatever. T'sais, tes livres même, c'est super cool. J'ai lu des livres. Hey, puis je vais boucler là-dessus. Ben ça, je sais que le temps file. Mon dernier moment d'actualité, là... Il y a un livre que je veux vous recommander, j'en ai déjà parlé, puis je l'avais pas fini, puis là, je veux vraiment faire une belle plug à ce livre-là. Console Wars. Oui. Console Wars, qui est un livre que... C'est quoi, Seth Rogen? Ben, en fait, Seth Rogen a acheté les droits de ça. L'auteur, c'est Blake G. Harris, dans le fond. Ça a paru le 13 mai 2014. En réalité, là, c'est... Un livre fucking écœurant. C'est un livre qui va probablement avoir un film ou un documentaire fait là-dedans. C'est ça, c'est Foreword by Seth Rogen et Evan Goldberg. Ça, je pensais. Fait que, en réalité, là, Blake G. Harris, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est allé se renseigner sur la période 90 à 2000 environ, la guerre entre Sega et Nintendo. Puis, de la manière qu'il compte, le bon c'est vieux pas temps. Un. C'est, ouais. c'est pas de la fiction. C'est un récit. Il s'est renseigné, il a parlé à des gens, il a pris des entrevues, il a pris le pouls, et c'est son interprétation de ça. Fait qu'en réalité, moi, de la manière que j'aime l'expliquer, c'est que le gars, il a pris des faits, puis il a fait un peu un Pulp Fiction avec. Il a dit, je vais mettre ça dans tel ordre, parce que ça va être cool, puis ça explique des choses. Fait que, tu sais, j'ai appris un paquet d'affaires quand même. Véridique? Cool. C'est véridique. C'est véridique, c'est ça qui est cool. Okay. Tu sais, je vous donne un exemple. Il a pas embelli la vérité. Il explique genre. Le point de vue de Nintendo, puis. De la manière qu'il explique Nintendo, t'as un respect pour la compagnie parce qu'il t'explique d'où ils viennent. Que, tu sais, Nintendo of America, en réalité, c'est qu'il faisait juste importer des arcades. Puis le boss de ça, un moment donné, ben, tu sais, il y avait un gars qui commençait à l'aider puis il disait, OK, si telle arcade vaut à peine, on pourrait ramener, on va en modifier puis telle affaire. Puis ils sont responsables pour Donkey Kong, l'arcade. Puis ils ont fait dans le kit. Puis un moment donné, il a vu le Famicom là-bas. Puis il a fait comme fuck that, ça nous prend de quoi de même. Fait qu'ils ont fait le Nintendo Entertainment System, ils l'ont ramené. Nintendo, il y avait les 90% des parts de marché à un moment donné là, dans l'histoire. Là. Fait que tu sais, puis Nintendo, là où il l'explique, puis ça c'est un peu dans ma vie personnelle, c'est venu me chercher, mais il explique le côté professionnel de ça. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être vu, pour les gens qui en ont âge, des cassettes de Nintendo qui étaient noires quand on était plus jeune, qui étaient faites par la compagnie Tengen. C'est ce que je l'ai dit. Fait que Tengen avait des jeux différents. Il était pas juste noir, il avait une forme un peu différente, le top. Ouais. C'est ça. En angle. La poignée était différente, des fois elle était à droite, à gauche. Tu vois, ça, c'était des bootlegs. Parce qu'en réalité, Nintendo, dans le temps, tous les publishers avaient une entente avec Nintendo où ils devaient s'approvisionner des cassettes chez Nintendo. Il y avait une limite de jeux qu'ils pouvaient publier par année, puis ils devaient c'était donner une redevance cinq à Nintendo. Jeux différents, si je pense je me que c'était 5 jeux différents par ou compagnie, 3, je me souviens plus. Mais d'où pourquoi ils ont créé plein de sous-compagnies des fois. Ben c'est ça, exact. Vu, c'est ça. Mm-hmm. Fait que tu sais, ça on avait parlé un peu avec Eric dans d'autres moments, mais en réalité c'est ça. Fait que il y a eu une poursuite à un moment donné où Nintendo poursuivait Tengen en disant vous avez fait de façon frauduleuse une recherche sur notre technologie qui était la 10S ou whatever là. Il y avait un protocole de sécurité dans le Nintendo, une chip qui était je pense ses cassettes. C'est ça. Ben, je pense que c'était un lecteur et la chip ou peu importe, mais eux autres ils l'ont reverse engineer puis that's it. Fait que Nintendo poursuit Tengen. Nintendo avise à tous ses clients en plus, écoute, si tu tiens du Tengen dans ton magasin, je peux pas te dire que j'arrête de te vendre du stock parce que ça serait illégal aux États-Unis. Ouais. Mais ça se pourrait que les trucks se perdent en se rendant à ton magasin. Puis ça se pourrait que je donne ton allocation à quelqu'un d'autre en plus. Fait que les retailers ont arrêté de tenir du Tengen de peur de perdre du Nintendo. Fait que là, ça coupait le soutien financier de Tengen. Fait que tu sais, là, ils t'expliquent tout ça. Puis pendant ce temps-là, du côté de Sega, ben, Sega vont chercher un gars qui s'appelle Tom Kalinske. Kalinske, qui a été le CEO de Mattel, qui a été responsable de la commercialisation de Barbie, puis des affaires de même, tout le kit. Je me souviens de ce gars-là pis qui a ramassé. Ce gars-là, dans le fond, arrive chez Sega, sert du nouveau CEO de Sega of America, après le Master System, mais dans l'ère du Genesis, puis est responsable de se monter une équipe, puis d'aller vendre le Genesis aux US. Puis c'est là que ce gars-là, il se fait un plan stratégique de 4 étapes béton, tout le kit. Non. Fait que tu sais, c'est cool de voir tout ce point de vue-là. Comment ces gars ont pris leur approche, ils ont recherché le marché, puis ils ont attaqué. Puis comment Nintendo contrôlait le marché d'un autre bord, puis ils s'attaquaient. Et Sega, c'était américain. Sega, c'était japonais. C'est japonais. Mais en lui, fait, c'était le gars américain. Sonic the Hedgehog, au début, s'appelait même pas Sonic. Non, il s'appelait Sonic, je me souviens. Oui, c'était Sonic, mais d'un autre côté... Sonic the Hedgehog, il y avait des crocs longs de même, un collier de stud, une guitte électrique, puis une blonde qui avait un nom weird, qui avait une nasty paire de boules. Fait que, tu sais, là, un moment donné, Kalinske, il a vu ça, puis il a fait comme « Fuck, c'est japonais, on vendra jamais ça aux States. » Fait que, tu sais, là, c'était tout le temps le duel entre Sony of... pourquoi je dis Sony? Sega of Japan, puis Sega of America qui se battaient. T'as un interprète entre les deux. Parce que moi, j'étais pas sûr, mais je me souviens, me semble, tout le temps, Sega... of America. C'est ça, exact. T'avais le gros Sega, ben en dessous c'était écrit en petit blanc, là. Ben, Sega of America. Le lancement commercial de Sonic a été un plus grand succès aux US qu'au Japon. Puis c'est une raison, il est tellement plus américain que je... en tout cas en fait non ben, il... pas tant que ça dépend que de la version que tu prends. La stratégie commerciale était bien différente. Okay. C'est ça qui est le fun dans le livre, puis il détaille tout ça. Mais où le je veux personnage en venir aussi, je le trouve américain pas mal. Ben, ouais. C'est peut-être à cause des cartoons par après. Rebelle. Moi, je pense que c'est plus les cartoons puis les produits. Parce que c'est ça, je trouve, qui a forgé une personnalité au bonhomme là, par après. Là, parce qu'au début, ça a été c'était... créé quand même par des Japonais. T'sais. C'est juste qu'ils l'ont brandé pour que ce soit facile à vendre aux States. Mais tu sais, là, je vous ai parlé de Tengen puis Nintendo. J'ai fait un peu ce que Tom fait dans son livre où, ben, un peu plus tard dans le livre, Tom, il est comme Chris, ça me prend des jeux, moi, sur ma machine, puis le kit, puis Tengen ont de la misère avec Nintendo. Fait que je vais aller voir si sont intéressés de travailler avec nous autres. Et ce que tu apprends, c'est que depuis des années, Tengen, ils ont une astuce de poursuite avec Nintendo, puis ils vendent plus de stock. Fait que comment ils font pour se subventionner? Ben, entre les couvertes, t'as peut-être eu quelqu'un chez Sony of Japan qui finançait la poursuite de Tengen puis Nintendo du côté de Tengen pour faire mal à quelqu'un, tu sais. T'as peut-être eu ces événements-là qui sont apparus. T'as peut-être eu aussi un moment donné où ben Target aux US ont décidé de sortir tous les produits de Nintendo pendant une couple de mois parce que Nintendo voulait pas reprendre des defects. Fait que tu sais, t'as plein d'affaires de même que t'apprends sur cette période de gaming-là. C'est fucking bien rédigé. C'est un super de bon livre. Je l'ai pas encore terminé. Ben, j'achève, là. Faut vraiment que je le termine. Ben, c'est le fun, pareil. Quand tu connais un peu ou que tu t'intéresses au côté business aussi, ouais, mais c'est quelque que chose d'intéressant. Ce qui est cool, c'est que c'est une belle porte d'entrée pour comprendre bien les principes de business parce que ça parle de quelque chose qu'on a vécu puis qu'on connaît ou que les gens un peu plus jeunes ont entendu parler. Ouais. Présentement, là, le paperback, là, il est 20$. Là. Tu vas chez Archambault, tu vas chez Amazon, tu vas chez Renaud Bré, peu importe. Là, c'est un livre, c'est à peu près une vingtaine de piastres. Puis il est fucking cool, le livre. Fait que c'est Console Wars de Blake G. Harris. Ça vaut à peine de l'acheter parce que ça a été vraiment un moment de pop culture qui a révolutionné notre génération, c'est sûr et certain. Fait que Console Wars, ça a été comme mon gros highlight de mes vacances aussi parce que je lisais ça. Puis souvent, je fermais le livre, je m'envoyais de bord, puis j'étais comme « Hey, chérie, ouais? Tu savais-tu que Target, à cause des retours de l'équipe, était comme « Hey, that's cool! » Tu sais, puis elle trouvait ça cool. Je m'en crâle, je suis en vacances. Ben, c'est ça, c'est comme, t'es sur le bord de l'eau, tu bois du rhum à côté, puis t'inquiète, tu sais, pourquoi tu tripes là-dessus? Mais elle-même, a trippé sur des affirmations que j'ai données, mais elle était peut-être pas dans le même mood que moi à cause du livre, mais ça va rechercher tout le monde. Tout le monde a un moment où ils se souviennent de Sega Genesis puis Super Nintendo. Tout le monde a main à main sur ces consoles-là. Mais des fois, quand tu sais le pourquoi du pourquoi de qu'est-ce qui s'est passé dans le meeting, puis tu fais comme, c'est vraiment pour ça que ça a donné telle affaire ou... Tu sais, genre, je suis sûr que je vais vous le dire puis vous allez vous en souvenir, là. Tu sais, la style d'annonce de Sega qui a un genre de... C'est pas un F1, là, mais tu sais, les genres de chars de course super triangulaires, là, qui roulent super vite puis qui arrêtent après 20 mètres avec un parachute. Oui, oui. Puis à côté, t'avais Mario Kart derrière un vieux char de marde puis que... Ben, c'était la campagne Sega Does What Nintendo Does. Exact. Puis tu te souviens de ça, tu fais, je me souviens de cette annonce-là, mais après, quand tu sais le pourquoi puis le qu'est-ce qui s'est dit dans le meeting... Pis genre, hey, on va se faire poursuivre si on montre l'image de l'autre jeu. Fuck it, it's worth mais it. C'est, genre, c'est un peu ironique parce que ce que tu parlais, c'est que la stratégie de Sega dans le temps, là, c'était Nintendo, c'est jeune, c'est les enfants. Ouais. Puis Kalinske, Mané, il dit, sais-tu quoi, nous autres, on va vendre un Genesis à tous les autres. Ouais. Les plus vieux, les jeunes ceux adultes, qui jouent pas nécessairement d'habitude parce que Chris, ils trouvent trop enfantin, peu importe. Fait que tu sais, Sega, ils prennent une approche de... Ils voulaient juste le pull kiddie. On va toucher à tout le monde. Tu sais, tout le monde qui joue pas présentement ou qui devrait jouer ou qui pourrait jouer, on va leur mettre un Sega des mains pis on va leur faire jouer. Puis c'est un peu ironique parce qu'après ça, tu sais, t'as Sony qui arrive pis ah ouais, pis dans le jeu en passant, Sony s'est fait fourrer par Nintendo. Oui. Solide, pas à peu près. PS1. Et Sony ont joué beaucoup avec Sega en arrière des couvertes, ce que moi je savais pas. Sony ont participé à beaucoup de trucs avec Sega, fait que c'est vraiment intéressant. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que ces gars changent leur fusil d'épaule puis ils font, c'est-tu quoi, fuck it, fuck les jeunes, on va vendre à tout le monde. Avance d'une couple d'années plus tard, la stratégie commerciale derrière la première Wii, c'était quoi? C'était, ben fuck man, si on continue de vendre des jeux à des kids ou nos kids qui ont grandi puis on continue de leur vendre des Zelda, des affaires de même, notre part de marché va rester pareil. Il faut qu'on trouve une console qu'on peut vendre à tout le monde. Fait que c'est cool de voir comment ces gars ont été... souvent à l'avance dans le domaine. Trop avant-gardiste. Précurseur, très avant-gardiste. Puis, je trouve ça dommage que ces gars fassent plus de consoles parce que ça aurait été cool de garder cette rivalité-là. Mais ces gars ont influencé PlayStation, ont influencé Xbox, ont influencé pas mal tout le monde. Puis, qui aurait cru quand on était jeune puis qu'on voyait ces annonces-là, par exemple, qu'on aurait vu un genre Mario and Sonic Olympics sur la Wii? Ben, avoue exact, que dans le temps... C'est fucking ironique quand tu penses à ça, à cette heure. On n'aurait jamais pensé ça quand on était jeune, à voir les annonces, puis que... Moi, j'avais mon voisin qui avait un Sega, il avait pas un Super Nintendo. Moi, j'avais les deux, là. Ben, mais... t'as une BD de Penny Arcade, justement, récemment, qui est quand même cool, parce que Penny Arcade, là, si vous connaissez pas ce site-là, c'est des BD gaming, pop culture, tout le kit, ça vaut la peine. Tu peux pas connaître ça. Fait qu'ils ont fait une BD, là, de trois cases vraiment cool, où t'as Sonic qui reçoit une lettre de Mario. Puis il est comme, what the fuck? Puis la deuxième case, c'est la lettre. Puis là, c'est Mario, il dit « Hey, Sonic, félicitations pour ton jeu. Je suis vraiment content pour toi. Ça faisait longtemps que t'avais besoin de ça, tu sais. On se revoit. » Ça parle genre de Sonic Mania. Ben, c'est ça, Sonic Mania qui a pogné, tu sais, récemment. Mm-hmm. Fait que ça dit, tu sais, « Hey, Sonic, félicitations pour ton jeu. Je suis content pour toi. T'en avais besoin. On se voit aux Olympiques. » Puis la troisième case, c'est juste genre des gouttes bleues qui tombent sur la lettre, genre comme Sonic a pleure. Enfin la reconnaissance de Mario après X nombre d'années. Le kit, fait que le card, je l'ai trouvé cool cette BD là. Compte tenu de la situation actuelle où justement Sonic Mania a pogné beaucoup, ouais. Non, j'ai pas joué à Sonic Mania, mais je veux sûrement l'essayer un moment donné. Il y a une affaire par exemple, Sonic. Excusez le monde des fans, Marie-Hélène des Power Chasers, désolé. C'est à elle que je mais pensais, Sonic est crissement moins deep que Mario dans tous les sens du terme. on dirait que la vitesse te fait skipper des tableaux. Là. Moi, je me souviens d'avoir skippé des zones au complet dans Sonic là, à cause que j'ai comme pogné la bonne affaire puis des réflexes de peser au bon moment, genre que je puis j'étais comme, oh, j'ai fini le tableau. Plus jamais je vais refaire ce tableau-là. Genre, je fais juste continuer. Puis... C'est le genre de jeu que t'appréciais pas autant que... Dans le temps, je trouvais ça cool. Dans un sens de ça va vite, crise d'épilepsie, genre. Ouais, c'est le même qui te l'ont vendu. Ben c'est ça. Mais là, à cette heure, j'y rejoue, puis je suis comme, me semble qu'il manque de quoi dans le stage character design, level design. C'est ça. Tu sais. Ben, en fait, c'est que à cause des powers de Sonic, quand t'étais en Super Sonic, là, le gold, cause, là, c'est qu'à un moment donné, t'étais tombé super vite. Je me souviens que j'ai skippé des bouts d'un monde. Puis à un moment donné, tu disais comme, là, tu vas la refaire. Pas en Super Sonic, parce que t'as pas utilisé les gestes de cheat. Puis c'est comme, ah, oh, cette place-là, ça sert à ça pour aller à tel bout. T'as un loop, admettons, avec une autre place, mais donc t'as tout skippé ça en Super Sonic en passant en bas, puis en faisant d'un bout à l'autre du stage d'un coup. Ah non, ouais. c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions mélangées. Mais Sonic, content que tu sois revenu. Moi, je aimais ça jouer Tails. Tails qui arrêtait pas de mourir. Tu faisais rien, puis de temps en temps, t'avais le deuxième remote, je pèsais le piton pointeur après moi. T'arrêtais pas de mourir, puis là, tu voyais la queue qui revenait du coin en haut. Le chapitre dans Console Wars qui explique à quel point Tails. Ils se sont battus pour que Tails s'appelle Tails, parce qu'il y avait un autre nom carrément à part. Penises. Puis non. Mais c'était comme un design fucké, puis là, les Japonais qui ont créé Sonic, ils étaient comme, là, tabarnak, tu nous as fait tout changer dans le premier. Tu nous as fait venir en Amérique du Nord pour créer le deuxième. Tu m'as dit que j'étais pour avoir carte blanche. Puis là, tu veux que je change le nom de mon nouveau personnage. Fuck you, man. Ils gardent de même. Tu m'as dit que j'avais carte blanche. T'as une obligation contractuelle. Puis ils sont allés là-bas. Puis ils ont été obligés. Puis le paragraphe, là, c'est... Ben, pas le paragraphe, mais le chapitre, c'est genre une histoire qu'ils ont concoctée. Un origin story de Tails pour aller faire un appel à l'émotion au dev team japonais qui ont fait comme... Ok, c'est correct, on va l'appeler Tails finalement, tu sais. Puis il t'explique ça, puis j'étais comme, tabarnak, c'est deep, man. Il a fallu que. Puis t'as un gars, là, il est comme, je sais comment convaincre. Puis là, il fait un backstory de genre, Tails, il se faisait niaiser parce que, par les autres renards parce qu'il y avait deux queues. Puis son héros, c'était Sonic. Fait qu'à un moment donné, il a vu Sonic passer bien vite, puis il a crié. Puis là, Sonic s'est arrêté. Puis, tu sais, il a dit que c'était son héros, puis il l'a pris comme son apprenti. Puis là, Sonic, il a dit, tu sais, c'est pas un désavantage d'avoir deux queues, c'est à ton avantage, puis ça va être ton super pouvoir. Moi, c'est la vitesse. Mais toi, on va te montrer à faire. Puis là, tu sais, tu lis ça dans le livre. Ça a l'air d'un astuce d'affaire de YouPoint. Tu montres à faire de quoi avec tes deux queues. Puis là, t'as eu les Japonais après qui ont fait comme. Ouais, mais ça fait japonais. Qu'on va l'appeler Tails. Deux queues, c'est deux queues, Japan, wow. Fait que sur cette belle histoire, guys, ça fait quand même un bout qu'on a fait le chanson. C'était cool la soirée parce que oui. C'était pas juste, tu sais, on pitch nos sujets puis on fait un gros sujet principal. On a comme, c'était, ça a coulé. La meurtre, ton débat. Ouais, non, on fera ça offline. Mais pour ou contre l'immigration. Non, on en parle pas. Ah, tabarnak, j'ai mal à mon Québec. Mais Geek Collectif, le podcast, un podcast de culture populaire et impopulaire québécois. Ça fait 5-6 ans à peu près qu'on fait ça. Bientôt 6, on regardera. Toujours sa saison 1. T'es encore en train de pianoter. Milter, il est... On a perdu Milter. Je t'arrête de taper geekcollectif.com. Geekcollectif.com. Ou si vous regardez à ma droite, votre gauche, en bas, Il y a comme des trucs qui spinnent / Geek Collectif le podcast. Ben, c'est les manières de nous rejoindre pour les gens qui vont l'écouter en format audio dans au moins 3 mois, on va se dire la vérité. Joyeux Noël! Facebook.com/ Geek Collectif le podcast, sinon @geekcollectif sur Twitter, geekcollectif.com pour pouvoir aller lire les articles, liker les vidéos, peu importe. Tout est là-dessus, man. C'est malade, les internets. Milter! Oui. Pendant cette crise de démence, les gens qui voudraient parler avec toi, on fait comment? Vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Ouais. Écrivez mon nom. Sur Twitter, Zombie Milter. Et également sur Twitch. Oh. J'essaie de streamer, j'y pense jamais. Des fois, je suis chaud. J'ai oublié de streamer. Fait que j'arrête de jouer. Fait que c'est ça. Sinon, checkez sur geekcollectif.com. Éventuellement, je vais me mettre à écrire des articles. Oh yes. Pas des vodcasts. Des blogs. Des blogcasts. Pas des vlogcasts. Des bloodcasts. Oh des boy. Bloodcasts. Max, les gens qui voudraient interagir avec toi, on te retrouve où? Maxime Gagnon sur Facebook, puis sur toutes les plateformes de jeu et sur Twitter, The Guitarist écrit en gars cool. Et on devrait me trouver. Fait que t'es H.A. guitariste. Si tu le trouves pas, t'es... Erreur de gars de 16 ans. Je le dis toujours à chaque épisode, mais il faut que je mette le focus là-dessus. Parlant d'erreur de gars de 16 ans, Uzumaki QC sur... Wonder Yobi Hokage. Oh my god. Mais non, effectivement, André Paquette sur Facebook. Sinon, Uzumaki QC sur Instagram, Twitter, pas mal tout. Steam, ben, PSN, Xbox Live. On va se faire un plaisir de jouer ensemble. La page Facebook, ben ça vous aide à savoir quand on est en ligne. Mais si vous voulez suivre assidûment toutes les diffusions du collectif, on vous invite à aller sur twitch.tv/GC Podcast. C'est là-dessus qu'on fait les live streams de vodcast. C'est là-dessus que vous allez pouvoir voir Milter se flatter à barbe. Et sinon, ben, toutes nos gaming sessions aussi également. On est une bonne gang de gaming. Il y a le Discord, toute l'équipe. Vous allez pouvoir les coordonner. Je pense que ton gars de Rodrigo, Rodrigo Micomer. Il est safe, je pense. Boussetin A. C'était pas lui ton gars de Punta... Non, c'était Domingo. Domingo. Rodrigo. C'était ben, hey, il est peut-être en train de nous dire à l'aide. Ouais. Genre, je comprends pas. Ben, Boussetin A, je sais même pas ce que ça veut dire. How many pesos do you need? Oh, fuck, man. Fait que, guys, merci d'avoir été sur Twitch. Merci d'avoir été sur Facebook. Si vous avez aimé le contenu de ce soir, ben, allez liker le shit sur les pages. Yeah. Word up. Word up. Fait que non, ça ressemble à ça. Puis un gros merci à nos Patreons qui nous soutiennent dans toute cette aventure et qui nous aident à garder les lumières ouvertes à chaque mois. Donc patreon.com/geekcollectiflepodcast. Mesdames et messieurs, un gros merci d'avoir été avec nous ce soir. Et sur ce, on se revoit dans deux semaines pour un prochain live. Les épisodes audio en suivront sur le stream. Merci. Bonne soirée. Ciao.